Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 16. Je procède au rappel traditionnel. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email pour soit nous poser une question ou nous faire parvenir une information, une coupure de presse ou autre. À l'adresse suivante, donc Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, Démocratie Participative, en un seul mot. Pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Nous vous invitons aussi, si vous aimez ce que nous faisons, si vous voulez que Démocratie Participative continue, à nous faire des donations en crypto-monnaie. Nous prenons du Bitcoin, Ethereum et Monero. Donc n'hésitez pas, hein, le guide est disponible sur le site, la partie droite, pour savoir comment faire. Mais éventuellement, vous pouvez aussi nous demander, si jamais vous avez un souci, comment procéder. Voilà. Chaque semaine également est disponible notre, version PDF hebdo. Hein, donc il y a tous les articles qui sont parus sur la semaine, qui sont publiés et disponibles en version PDF. L'intérêt étant bien évidemment de disséminer le contenu. Vous pouvez le faire. Comme je dis souvent, en constituant une mailing list, hein, donc une liste d'amis par email auquel vous transmettez ce PDF où il y a un concentré des articles, voilà. Bon, comme ça, ça permet de lutter, comme je dis, contre la censure, hein, et ça fait aussi de l'archivage. Alors, je vais procéder maintenant à la présentation, comme chaque semaine, de nos membres, et qui est plus réduite cette semaine, mais il y a quand même des piliers. Je vais commencer avec MacDav. Salut MacDav. Salut Gandalf. Salut à tous les amis. J'enchaîne avec Captain America. Salut Captain. Salut Gandalf. Salut à nos fidèles supporters de Guingamp. En avant Guingamp. En avant. Les nègres. Fulbert. Comment vas-tu Fulbert? Hubert va bien, merci. Bonjour Gandalf, bonjour à tous. On va pouvoir parler ensemble de ton pays, Fulbert, puisqu'il s'est illustré cette semaine, comme tu le sais. Je pense que tu auras des choses à nous dire. Derek aussi est présent, comme chaque semaine. Salut Derek. Salut Gandalf, salut les gars, et loué soit l'éternel, bien entendu. Nous sommes des patriotes. Effectivement. Alors, chers amis, je vais commencer comme chaque semaine, du moins lorsque nous en avons, par notre rubrique courrier des lecteurs. Nous avons un courrier cette semaine, donc je vous livre tout de suite le contenu. Bonjour, chers camarades démocrates. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour ce que vous faites. Cela fait quelque temps que je vous écoute et votre émission souffle comme un vent de fraîcheur et de sanité sur le paysage sordide qu'est devenu la France. Le texte qui va suivre est long et dense, j'espère ne pas l'avoir écrit dans un style chiant. N'hésitez pas à faire des pauses, nous dit-il. En fait, le courrier n'est pas trop long en réalité. Alors, il continue. Mon parcours n'a pas d'intérêt particulier par rapport au sujet que je vais aborder, mis à part un passage professionnel de quelques années en pharmacie d'officine dans une ville de province dont me viennent les anecdotes que je vais vous raconter. Pour commencer, je voudrais rebondir sur un point que j'ai relevé de l'émission de la semaine dernière, donc épisode 14, donc c'était il y a deux semaines en fait. Vous parliez de la probable adaptation dans l'armée française de la méthode américaine où des malades mentaux homocidaïques s'engagent pour voir leur charcuterie génitale financée. Donc en gros, ce qu'ils appellent la transition sexuelle. Donc c'est en fait quand les mecs veulent se faire couper leur partie génitale pour ressembler à une femme, quoi, et se faire greffer des seins. Ayant pu voir le problème de près dans notre beau pays, je peux d'ores et déjà vous assurer qu'il n'en sera rien. En effet, les transitions, lire boucherie, charcuterie avec option tricotage de viande, et autres thérapies aux hormones sont déjà remboursées intégralement par la sécurité sociale chez nous. Et oui, non seulement ces gens sont encouragés à persister dans leur maladie, mais en plus ce sont vous, contribuables, qui payez. J'en veux pour exemple ce transsexuel sud-américain qui était notre client, j'aurais pu y utiliser le mot patient ici, non seulement ses opérations chirurgicales et ses hormones ont été remboursées, mais aussi, allez, je suis sûr que vous pouvez deviner, bien sûr, un traitement contre le sida. Inutile d'essayer de décrire ce qui s'est passé en moi quand j'ai vu que les impôts des Français payaient tout ça à un travelot métèque sidaï qui se prostitue, qui plus est quand le bonhomme en question ne parle pas un mot de français. Pour confirmer sur les fameux sidaïques, je ne vais surprendre personne, je pense, mais confirmer ce que tous intuitent parmi vous. Les PD nègres et étrangers sont surreprésentés, à tel point que ceux qui n'entrent pas dans une de ces trois catégories ne doivent pas représenter 5% de l'ensemble. Donc trois catégories, hein, PD, nègres et étrangers. Passons maintenant à la partie de mon point de vue la plus intéressante du témoignage que j'ai à offrir, la première partie n'étant qu'une mise en bouche. Pour faire simple, l'État français fournit les camés de tout poil. En 2014, les ressortissants bulgares se sont vus autorisés à voyager librement au sein de l'Union européenne pour y travailler. L'appel d'air créé cette année-là a été exceptionnel et j'ai eu la chance d'être au premier plan au bon moment pour tout observer et raconter. Il existe en Bulgarie une agence mahométane dont je ne connais pas le nom, mais qui est un mélange ostensible de turc et de rome, avec un penchant très prononcé pour la rapine, les escroqueries en tout genre, mais aussi et surtout l'héroïne. Alors avant de continuer, je dois expliquer ce qu'il se passe quand un junkie en France tombe à court d'argent pour son penchant de dégénéré. Il va chez le médecin, tout simplement. Même un psychiatre, d'ailleurs. Je ne saurais vous décrire le parcours exact, mais celui-ci se finit par des ordonnances pour des médicaments de substitution. Ceux qui vous parlent de sevrage et d'arrêt progressif se moquent de vous. Il n'y a aucune obligation légale ou médicale pour que les patients réduisent les doses dans le temps. Revenons à nos voleurs de poules. Ceux-ci sont arrivés en masse pour profiter de la manne que représentaient ces drogues dures légales. Par diverses méthodes, CMU, AME ou inscription comme micro-entrepreneur en cotisant le minimum, ça dépendait des situations et je n'ai pas le détail, ils pouvaient non seulement prétendre à ces médicaments, mais surtout ne rien payer du tout pour les obtenir. Petite précision, sur le médicament en question, la version Princeps est soluble dans l'eau et donc injectable, ce qui n'est pas le cas du générique. Cela devrait n'avoir que peu d'importance dans la mesure où les cachets sont sublingots. Second point, ce produit n'est pas considéré comme un médicament dans pas mal de pays dont la Bulgarie et y est donc à juste titre interdit. Gardez bien les deux informations précédentes en tête. Maintenant, rappelez-vous que nos chers amis résidus de viol ottomans ne sont pas des philanthropes. Leurs ordonnances comportaient systématiquement, il insiste, systématiquement la mention non substituable, faisant porter le surcoût à la sécu et leur permettant d'effectuer de juteux voyages chez eux où leur traitement se revendait à prix d'or. Il est à noter que dans une famille de 4 personnes, parent 1, parent 2, enfant de 16 ans, tout le monde avait son ordonnance, à des doses telles que vous feriez une overdose rien qu'à regarder la boîte. Je me souviens même d'une fois où l'un des rares clients pour ce produit parlant français s'est énervé quand la préparatrice lui a donné par erreur le générique. Il a dit, et je cite, « Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec ça? C'est invendable. » Ce trafic semi-légal représente plusieurs milliers de boîtes par mois pour un coût mensuel à la sécu de quelques dizaines de milliers d'euros. Pour une seule pharmacie. Les pharmaciens, c'est bien connu, sont de vulgaires commerçants qui n'ont rien à envier aux pires des marchands de tissus séfarades. Mais vous vous posez sans doute la question de quel type de médecin pourrait permettre d'arriver à cette situation. Eh bien, j'ai les réponses. 90% des ordonnances des Bulgares étaient le fait d'un seul psychiatre au nom allemand, avec trois parenthèses de chaque côté. et parlant à peine français. Donc, en gros, un juif. Je ne sais pas s'il parlait bulgare, mais apparemment, il était capable d'enchaîner 100 patients bulgares sur une journée de 9 heures. Je n'ose imaginer le coût pour la sécu, mais j'ai entendu parler de sommes de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Les 10% restants d'ordonnance étaient le fait d'un généraliste antiraciste. Celui-ci avait un faible débit à cause de son casier judiciaire. Quelques années auparavant, il avait été condamné pour avoir délivré des ordonnances de complaisance pour des drogues de substitution, mais aussi pour avoir délivré de faux certificats de stress post-traumatique à des étrangers en situation irrégulière, le tout contre de l'argent d'une association immigrationniste. Au cas où vous l'ignoreriez, être atteint de stress post-traumatique met un point d'arrêt à toute procédure d'expulsion en cours ou future à l'encontre de l'intéressé, et le médecin en question sévissait toujours. Petit détail à propos des étrangers non expulsables, si une maladie leur est diagnostiquée dont le traitement n'existe pas dans leur pays d'origine, non seulement la loi interdit de les renvoyer dans les chiottes d'où ils viennent, mais quel que soit leur droit, le traitement sera pris en charge par le contribuable français. C'est pas beau la France ? Merci de m'avoir lu. J'espère vous avoir apporté des informations intéressantes faisant avancer vos réflexions racistes et démocratiques. Bien à vous, Antoine, un camarade démocrate participatif. Alors merci Antoine pour cet excellent courrier avec qui donne pas mal de détails que personnellement j'ignorais là pour le coup. Ça ne m'étonne pas du tout par contre, hein. Je ne suis pas du tout surpris, mais voilà, je suis très content d'avoir plus de détails. Je suis convaincu que nos auditeurs aussi, ils apprennent quelque chose. Alors je vais immédiatement solliciter nos participants qui veulent probablement donner leur opinion ou faire des observations. Où est mon lance-flamme ? Où sont les lance-flammes ? Où sont les lance-flammes ? Oh la vache. Non, non, mais en fait, c'est pas... Ça ne nous étonne pas trop, mais je suis ravi de payer des impôts quand j'entends ça. Alors, quand on parle de, j'imagine, de médicaments de substitution, je pense qu'on parle de Subutex, hein, de... Ouais, entre autres, ouais. Apparemment, il doit y avoir tout un éventail, je pense. Ce, parce que oui. Ça dépend des drogues, en fait, auxquelles t'es censé être accro, quoi. Ouais, mais l'héroïne, en l'occurrence, c'est le Subutex, mais après, il doit avoir d'autres noms, quoi. Ah oui, il y en a pour toutes les drogues, hein. Et puis, à mon avis, il doit y avoir aussi les... Vous savez, les fameux PrEPs, là, les médicaments qui préviennent le sida. Oui, oui, oui, oui. Qui coûtent une blinde, qui, à mon avis, doivent se revendre à prix d'or dans certains pays. Ça, c'est pour les fiottes qui n'ont pas le sida, quoi. En général, les nègres s'en foutent. Eux, quand ils ont le sida, c'est synonyme de jackpot, donc... Non, mais ce qu'il veut dire par là, c'est... Il veut dire, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que comme tout est en libre distribution, pour ainsi dire, pour qui connaît les trucs, il y a une demande, parce que ces médicaments coûtent une fortune, en fait, dans les pays d'où ils viennent, en Bulgarie ou dans ces zones-là. Donc, en fait, il y a un marché noir qui est alimenté par ces réseaux-là, et c'est ces comptes français qui payent tout ça en disant merci, et avec et quand même hein, le petit mot de la France insoumise qui dit hein, voilà, la sécurité sociale que le monde nous envie, et pour cause. Oui. Hein, et pour cause. Effectivement. Oui, le monde nous l'envie, oui, on peut le dire. Hein. Alors, le monde nous l'envie tant qu'ils n'ont pas à payer la facture. Et puis, oui, j'imagine que ce n'est pas des Bulgares natifs. Hein. Je ne pense pas que ce soit les camarades qui ont combattu avec les SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois pas non plus. J'imagine la chose, oui, effectivement. Disons, alors c'est de mémoire, je crois qu'il y a entre 10 et 15% de Turcs en Bulgarie. Il y a une minorité turque assez importante, donc résidu de l'ère ottomane. Hein. Et évidemment, une population aussi de Roms dont il a parlé. Et il n'est pas impossible, effectivement, puisque je l'ai déjà vu... Dans l'affaire notamment de l'exécution d'une journaliste en Bulgarie, je me rappelle, l'Union européenne s'était mobilisée parce qu'ils croyaient parce que cette journaliste était plus ou moins une espèce de greluche démocrate, machin. Et alors, au Parlement, la Commission européenne et tous les libéraux européens s'étaient mis en tête que c'était un complot fasciste, du pouvoir autocratique corrompu. Pour faire taire une voix dissidente. Et en fait, on a découvert quoi ? Que c'était une espèce de Rome convertie à l'islam qu'il avait violée dans un fourré avant de la tuer, en fait. Voilà, et ça avait fait tomber le flanc. Hein. Donc, c'est à cette occasion-là que j'avais découvert qu'il existait, en Bulgarie, des Roms qui s'étaient convertis à l'islam. Ce que j'ignorais totalement. Ça va être la même race que les Doms de Syrie, hein, si vous ne connaissez pas. C'est les gitans habitants de Syrie. Qu'on trouve, très dans curieux. Qu'on trouve dans les gares, hein, dans les gares parisiennes, dans les gares, oui. gare Saint-Lazare. Hein, c'est-à-dire que quand le gouvernement français a découvert qu'il n'avait pas d'échantillon de ce peuple-là, hein, parce qu'à la faveur du conflit, ils ont découvert son existence, ils ont immédiatement sollicité par les réseaux diplomatiques, ce qui pouvait leur en fournir, et on en a, et vous en avez maintenant en exhibition dans les... Voilà, c'est... la France a enfin son échantillon de DOM. C'est ça. Alors pour revenir donc à ce supermarché... À la sécurité sociale, ouais, la sécurité sociale, on n'a pas trop parlé là du premier, de l'introduction du témoignage, c'est donc les fiottes, donc les travelots sud-américains. Ah, c'est beau, ah oui. Ah oui, bah oui, quand même. Sud-américain nègre, bien entendu. Hein. Enfin, en tout cas, il tapine en plus. Hein. Oui. Il tapine, c'est son. Il doit bien propager en plus le sida, oui. à tout ce beau monde. Tant mieux. Hein, tant mieux de ce côté-là. On ne va pas s'en plaindre. Mais, on ne s'en plaindrait pas si on ne devait pas payer par la suite les traitements de tous ces connards. Soit que bon. La sécurité sociale, c'est une des priorités dans les choses à exterminer, quoi. Hein, après certaines personnes, ou avant, à voir. Quoi. entre les traitements pour les travelots, le sida, donc le sida, c'est les nègres, les fiottes et compagnie. Il dit bien, il y a un triptyque, hein. Il y a les nègres, c'est très représenté chez les nègres. Nègres, fiottes et étrangers en tout genre. Les fiottes, voilà, donc, et les étrangers en tout genre, voilà. Ouais. Ça, donc les camés d'Europe de l'Est qui viennent faire leur trafic, les nègres le font aussi, hein, rassurez-vous, ouais. Les médicaments que vous trouvez en Afrique. Mais je crois que récemment, il n'y a pas eu un espèce de gigantesque trafic... j'ai vu ça, un trafic démantelé en Mauritanie, je crois, qui provenait de France. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait. C'est ça, en fait. Hein. Ça peut venir que de France. Hein. Ce qui se passe notamment au Mali, Mauritanie, où en fait c'est des groupes djihadisto-mafieux, ils font remonter la coke par, du sud vers le nord. De la coke qui vient d'Amérique du Sud, et quand ils font le trajet retour, donc quand ils vont du nord vers le sud, ils ramènent des pièces de bagnole frelatées et des médicaments qui viennent de France, où les bombes Babtou ont payé pour ça. Ils nous empoisonnent et on les soigne. C'est bien. Voilà. Effectivement. Dans le tableau là qu'a dressé notre auditeur, je pense qu'il manque une catégorie de gens sur lesquels on aurait pu s'acharner, à savoir les boomers. Les boomers qui... alors je sais pas si le type est concerné, mais en général maintenant les pharmacies font aussi opticiens. C'est-à-dire t'as les types qui vendent les lunettes. Boomer, il faut qu'il ait... faut qu'ils changent de lunettes tout le temps et puis que tout le monde paye, quoi. Heureusement que maintenant c'est plutôt pris en charge par les mutuelles, mais bon, tout le monde étant obligé d'avoir une mutuelle et ces gens-là étant assez influents, tu payes pour que ces connards se payent des lunettes à 600 balles tous les deux ans, 600 balles pour la lunette normale et pour la lunette de soleil, tant qu'à faire. Hein. Tu as les espèces de diabétiques. Les types qui bouffent du sucre toute la journée, à 50 ans, ils ont le pancréas qui n'en peut plus, donc on leur paye tout. Hein. C'est-à-dire, quand tu es diabétique, tu es surremboursé. Tu es une espèce de trésor de la nation. Donc tu as droit à tout, tu as même droit au pédicure, hein, on sait jamais, parce que tu peux choper la gangrène. Si tu veux dire diabétique, ça ouvre toutes les portes, c'est ça que tu veux dire? Ah ouais, diabétique, ouais, c'est ça. Donc tu as les espèces de gros porcs là, qui bouffent du sucre toute la journée. Je parle pas des diabétiques qui sont nés comme ça, les porcs, c'est pas leur faute, mais les cochons là. Les cochons qu'on peut voir qui donnent des leçons un petit peu partout, ça coûte un pognon, ça coûte des milliards par an, des milliards. Non mais écoute, moi la sécu, la sécurité sociale, je suis pour évidemment à condition que qu'on fasse ça entre blancs, hein, bien sûr. Ah non, non, moi je suis absolument Mais à ce compte-là, tu t'imposes des conditions drastiques. Si tu as un IMC qui dépasse telle norme, bah tu n'as plus droit à la sécu, alors tu payes plus. Ouais, non, Parce mais le que problème, si tu tu veux. représentes un risque Ouais, supérieur. mais Et c'est la même chose pour les égalitarisme, drogues, tu vois. en égo, hein, si on C'est la prend. même chose pour les drogues. C'est pas être héroïnomane, c'est pas une maladie. Non, mais si tu Tu vois, veux, t'es t'étais. dans un pays, la France, si tu veux, où tout doit être gratuit et sans contrainte, tu comprends? Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment, t'es vraiment dans le paradis anarcho-libertaire hédoniste, si tu veux, où finalement, où les gens sont complètement déresponsabilisés. Oui, Donc, tu peux t'enculer sans contrainte. Tu dois t'enculer sans contrainte. ouais, et quelqu'un doit payer, si tu veux. Et le problème en France, c'est que ceux qui payent ne gueulent pas. Et puis ceux qui payent ne reçoivent rien, surtout. En plus, voilà, non, mais c'est en même temps, pourquoi voulez-vous que tous ces gens-là ne tirent pas sur la corde? Les gens qui passent à la caisse, passent à la caisse et s'écrasent. Donc, oui, ça va continuer, hein. Donc, vous avez tous ces réseaux qui viennent trafiquer. Donc, il y a des réseaux africains, des réseaux d'Europe de l'Est, parce qu'ils ont bien compris enfin, ils ont bien détecté l'existence du filon et qu'il était très facile de pigeonner le français, en fait, hein. Et ces gens abusent à outrance de la générosité française. Enfin, c'est voilà. Mais même en France, les médicaments de substitution font l'objet d'un trafic. Oui, Un bien sûr. interne, bon. Mais non, non, moi je. Alors tu. Comment dire là, tu me fais de la peine un petit peu, Gandalf, parce Ah. que moi je rêvais en fait. Tu vois, je rêvais de conditions un petit peu idéales. On pourrait Mais laisser t'as crever raison. les fiottes et les sidaïques. Ah bah oui, ça je suis tout à fait d'accord. Je suis même, enfin moi, il faut pas les laisser crever dans les rues. Hein. Il faut les mettre dans des charters, direction la Guyane, vous voyez, pour que ce soit un peu Oh, utile, quoi. ouais, ça fait un petit peu cher. C'est cher le transport. Moi, quand je vous Ah ouais, mais dans entends, les rues. je suis plus à l'avis de McDav, en fait. En fait, le problème, c'est que dans l'idée, la sécu, c'est très bien, mais pas dans un pays comme la France, pas avec des populations comme la nôtre. Parce qu'en France, on n'a absolument pas d'unité, on comprend absolument pas les principes de responsabilité individuelle ni collective. On est toujours en train d'essayer de s'enculer les uns les autres. Que ça soit au niveau des institutions ou dans le privé. Et c'est bien dommage, parce que bon, là j'ai parlé du règne animal, mais les fourmis, par exemple, elles sécrètent des substances entre elles, et elles se filent de la nourriture que à celles qui ont bossé. Parce que quand elles bossent, quand elles participent, là elles sécrètent une substance chimique qui permet à leurs collègues de les reconnaître. Dans l'absolu, si on arrivait à instaurer des systèmes qui permettent efficacement de contrôler, ou même mieux, plus que contrôler, c'est-à-dire éduquer les gens pour qu'ils soient responsables, en fait, Oula, ça ouais. serait intéressant. Puisqu'à partir du moment où on est une communauté de destin, on sait très bien que tous ne vont pas pouvoir, à un moment, être efficaces à 100% jusqu'à la fin de leur vie. Parce qu'il y a des accidents de la vie, des accidents du travail, ce genre de choses. Mais encore une fois de plus, c'est que ben, on est géré par des fils de pute, déjà. Et on n'est pas géré par des gens qui ont envie de remettre notre pays sur les rails, quoi. Par rapport à ça, je sais pas, faudrait voir comment ça fonctionne, par exemple, en Norvège. Puisqu'en Norvège, les gens, alors en Suède, il y a des problèmes un peu, mais. Ouais, c'est déjà pas mal en Suède. Hein. Ils ont fait. Là, j'ai écouté cette semaine sur c'est les petits là, de Radio Athéna, là, qui parlaient justement du système de santé en Suède. Ça reste à financement public, mais en fait, c'est géré par le privé. Donc, tu choisis chez qui tu vas. Donc, tu peux discriminer, tu vois. Tu vas, il va faire telle condition, l'autre, il va faire telle autre. Donc, ça, bon, il y a de la concurrence, quoi. La France, concurrence, bon, c'est Oh lol, bah quoi. non, dans le paradis du marxisme, tu vas quand même pas non plus. Et c'est à cause beaucoup des boomers, parce que faut voir ça aussi, ça fonctionne en termes d'ayant droit. Alors les boomers, qui sont actuellement aux alentours, on va dire, entre 60 et 70 ans, hein, voilà, à peu près, quoi. Bon, c'est des gens, si vous voulez, ils ont quand même. Je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Enfin, c'est des gens qui ont quand même dans l'esprit de vivre jusqu'à 90 ans, hein, à peu près en moyenne, hein, Oui. voire plus si possible. Hein. Bon, 90 ans en bonne santé, en bonne santé, sous hein, voilà. Viagra, en pouvant Croisière, voilà. Se croisière. baffrer quotidiennement. Bah, donc ces gens-là, si vous voulez, l'idée que la sécurité sociale ne remplirait plus sa fonction, Parce que, en fait, ceux qui payent pour cette sécurité sociale diraient que, bah, que ce n'est plus possible de la financer en l'état, qu'il y aurait une nécessité quand même d'intégrer certains paramètres restrictifs pour que ça reste, enfin, que ça redevienne quelque chose qui soit plus rationnel, en termes budgétaires, j'entends. Bah, ces gens-là, ils vont dire non. Donc, et c'est un très gros lobby électoral, ne l'oubliez pas. Hein, c'est un très gros lobby électoral. C'est le. Oui. C'est ça qui donne le là, quoi, hein, au niveau politique. Voilà. Ben, écoute, très récemment, Agnès Buzyn nous a dit, Français, il va falloir travailler plus pour payer les retraites. Voilà. Les retraites, c'est une chose, mais alors c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que vraiment, les dépenses de santé pour ces gens-là, dans les 10 ans qui viennent, lol, quoi. C'est ça, mais bien sûr. Non, mais c'est la même chose. Enfin, les retraites, la sécurité, tous ces trucs-là. Enfin, c'est voilà. Et c'est pour ça qu'ils font venir autant d'immigrés, parce que tous ces bureaucrates, dans leur perception, des choses qu'ils ont, ils sont dans une perception exclusivement quantitative. Donc ils se disent, on a un déficit démographique, on a un déficit d'actifs dans tel ou tel secteur. Si on fait venir X nombre de migrants d'Afrique, etc., on va combler le déficit sur tant d'années. Et voilà, c'est ce qui guide leur action. Hein. Les nègres vont sauver le système social français. Oui, exactement. Les nègres à la rescousse du modèle, ouais, du modèle non, français dont tout le monde nous envie. Dont c'est, le monde nous envie. À court terme, tu vois, les nègres arrivent, donc ils sont gavés d'argent public, donc ils achètent, donc ça fait des sous. Tu vois, c'est la logique française. Ça. C'est de l'alchimie. Tu vois, les Français voulaient transformer le plomb en or. Ben là, ils veulent faire pareil. Tu vois, avec les espèces de poids morts que sont les nègres et les métèques en tout genre, ils veulent les transformer en des contribuables productifs. Bon, sais, déjà, certains socialistes, t'as un petit peu l'idée de la multiplication des petits pains, hein. Donc moi, ça m'étonne pas. Bon, donc, les petits nègres... Encore une fois, excuse-moi, je t'ai coupé, Bagdad. Il disait juste, multiplions les nègres, et comme ça, ils nous apporteront la richesse et la prospérité. C'est tout. Ouais, donc nonobstant les raisons que vous avez évoquées, qui sont tout à fait justes, j'ai quand même envie de dire, notre génération, là, les gens qui ont vécu les années 80, on vient de se faire enculer par les boomers, et je sais pas pour vous, mais moi, j'aimerais bien un jour profiter de la vie, mais pas profiter comme les boomers ont fait de façon stupide, à claquer l'argent, à jeter l'argent par les fenêtres, à faire des choses bien plus intéressantes, ne serait-ce que pas qu'individuellement, quoi, des choses collectives. Mais surtout, j'aimerais pouvoir voir un jour l'avènement technologique en Europe, si possible, qui nous permettrait de faire de l'exploration spatiale, par exemple. Genre, on a quand même vécu, là, ceux qui nous ont précédés ont vécu dans une succession de progrès technologiques complètement fous. Rappelez-vous quand même que on a des avions qui peuvent parcourir le monde, on a des gens qui sont allés dans l'espace, on guérit de plus en plus facilement les maladies. Qu'est-ce que nous réserve le futur? Donc, pour moi, le vrai problème là-dedans, il est effectivement surtout économique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... On ne peut pas priver nos descendants d'un futur, effectivement, pour faire en sorte que les vieux vivent, se maturent jusqu'à 150 ans, ou aient des vies hédonistes, oui, bon, on est d'accord. Mais quelque part, je vous pose la question, est-ce que vous aimeriez pas voir ce qui va arriver le plus longtemps possible? Bah là, si tu veux, toi, c'est bien, enfin, je suis d'accord avec on va dire, avec ce que tu... Enfin, je suis d'accord avec ce que tu décris, et la question que tu poses, elle est pertinente. Mais, en fait, normalement, dans... Toute société, une société, on va dire un peuple cherche à exister, cherche à se, comment dirais-je, à perpétuer son existence par la reproduction et essayer de faire en sorte que les conditions de vie de la génération future soient meilleures que celles de la génération précédente. Hein, ça, ce qu'on appelle la recherche de la prospérité. Mais ce n'est pas une prospérité individualiste, hein, c'est une prospérité collective. Et ce qui s'est passé avec la génération du baby-boom, qui est une génération sans guerre, pratiquement, un petit peu la guerre d'Algérie, mais comment dirais-je, vraiment pour les premiers boomers et encore, mais ouais, sinon non. C'est pas eux qui mais l'ont fait. Mais sinon, non. Voilà, de toute façon, c'est pas. Non, très peu. Et de toute façon, c'est un conflit, comment dire. C'est un conflit qui n'a pas touché la France métropolitaine, donc qui n'a pas touché l'appareil productif, qui n'a pas déstabilisé profondément la société française à ce moment-là. Donc c'est ça fait quand même on va dire oui à peu près oui 74 ans de paix et de prospérité matérielle, et en fait ce temps de paix n'a pas été mis à profit pour s'assurer que le 21e siècle soit un siècle qui bénéficie aux générations ultérieures. En fait, ils ont fait tout l'inverse. Ils ont criblé de dettes l'État. Ils se sont eux-mêmes criblés de dettes, parce qu'il ne faut pas oublier la dette privée, la dette des foyers, la dette des entreprises aussi. Alors, des entreprises, ça peut se comprendre parfois en raison des investissements. Et on voit bien, par exemple, que sur l'appareil productif est lourdement taxé pour des dépenses complètement stupides, hein. Si vous intéressez à ça, vous le découvrirez. Les investissements dans les infrastructures, elles stagnent depuis les années 80, hein, en termes de taux d'investissement. Elles ont même tendance à décroître un peu. Donc, en fait, il n'y a pas du tout de projection vers le futur. Et c'est une génération qui est complètement auto-centrée. Et là, ce qu'on voit se déployer de plus en plus avec la crise de l'État-providence, donc le système social, quoi, c'est que tout va être bâti autour de ce système social qui a principalement bénéficié à cette génération, d'accord ? Parce que le système social français a été bâti tout de suite après la guerre, en 46, à peu près, 46-47, quoi. Donc il leur a principalement bénéficié, et pour conjurer son effondrement, son implosion, en raison de l'hédonisme qui a été le leur, eh ben, ils vont aller jusqu'au bout. Et ce qui fait que, enfin, au bout de leur logique égoïste, en somme, hein. Et du coup, bah, plutôt que de se projeter vers le futur, la prospérité des futures générations, et de se lancer dans des programmes qui sont justement ambitieux à ce niveau-là, dont ceux dont tu as parlé, quoi, programmes technologiques, etc., bah, le grand projet qui existe en France, mais c'est vrai aussi en Allemagne et dans d'autres pays occidentaux, c'est comment va-t-on faire pour que les boomers vivent bien ? Alors, comment on va faire ? Comment on va faire pour qu'ils se soignent ? Comment on va faire pour que leur retraite soit machin ? Comment on va faire pour que leur épargne ne s'évapore pas avec une crise des dettes souveraines qui entraînerait toute la chute du système, et notamment les dettes publiques qu'ils ont quand même contractées au fil des décennies ? Bref, tout tourne autour d'eux. Tout tourne autour d'eux. Donc, on a un problème, c'est qu'il y a bien évidemment l'affrontement racial qu'on leur doit quand même, parce que c'est quand même des gens qui, en 40 ans, ont tiers-mondisé la France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc complètement fou, ça. Je veux dire, en 40 ans, ils ont tiers-mondisé la France. Et c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil en Allemagne, c'est pareil en Belgique, c'est pareil en Grande-Bretagne, pour les mêmes causes, hein, les mêmes causes. Et tous ces gens-là, ils ne vont pas faire un grand mea culpa en disant, bon, en fait, on s'est trompé, se recouvrir la tête de cendre et se mettre à plat ventre et supplier que... Il faut payer plus. Il faut, voilà, payer plus. C'est ça qu'ils vont donc dire. Donc, en fait, on est condamné à entrer dans une crise extrêmement violente. Ouais, bah écoute, tu l'as bien vu avec la hausse de la CSG qui a été annulée. Les boomers se sont levés d'un coup d'un seul. Ne touche pas à ma CSG, à mon taux d'imposition de CSG. Alors que c'est quand même bien le niveau de vie des actifs qui a baissé ces derniers temps, plus que celui des retraités, ce qui est quand même un comble, puisque la productivité globale a augmenté, et ne pas touche à mon envie irrépressible d'amener du nègre et de torpiller du nègre dans toute l'Europe. Pas touche à ça, c'est méchant. Non, mais en plus c'est explicite, je veux dire, on le dit souvent dans l'émission, mais... Je veux dire, j'aime bien les émissions comme C'est dans l'air. Bon, moi, je n'écoute plus cette émission parce que c'est inaudible. Honnêtement, c'est inaudible. Mais vous avez des lobbyistes qui viennent. Alors, des lobbyistes de toutes les couleurs. Hein. Vous avez la CGT, vous avez des représentants de la fonction publique, vous avez toute une série de gens comme ça qui interviennent et qui sont présélectionnés par cette équipe et qui viennent en fait faire leur apostolat, quoi. Ils le disent très clairement. Ils disent, voilà, on a besoin d'immigration. Qui va payer nos retraites ? Voilà, donc... Quand les gens s'interrogent comment se fait-il qu'il y a toutes ces hordes de nègres qui sont installées en France, et je veux dire, avec toute la force de l'engagement de l'État. Hein. Vous voyez les préfets être à l'avant-garde hein, de cet effort. Hein. Vous avez des gens, c'est dans les communes, vous savez, ils sont là, ils demandent trop rien, et puis tout d'un coup, on leur annonce l'arrivée de 40, 50 migrants clandestins du Soudan, d'Afghanistan et d'ailleurs. Et dès que la population locale bouge un peu, vous avez tout d'un coup les militants, très généralement issus d'ailleurs de la fonction publique, des syndicalistes ou de la gauche, qui interviennent en fait. Et les types sont là pour s'assurer que les nègres soient bien accueillis et que s'il y a une forme d'opposition, immédiatement, il y a une contre-manifestation, évidemment, qui est là pour conforter les différents lobbies dont on a parlé, hein, voilà, qui ont des billes dans cette machine, quoi. Et donc, la population, elle se retrouve, enfin, typiquement au plan local, c'est ça, elle a la presse contre elle, la presse du système contre elle, tout de suite, même la presse régionale, je veux dire. Il y a ensuite la préfecture, les associations dont vous ne savez pas comment elles sont financées, faites le test, essayez de savoir ce que touche une association XY qui, dans un département, s'occupe de l'accueil des migrants en coordination avec la préfecture, vous n'aurez aucune information. C'est à la discrétion totale de la préfecture. Vous ne savez pas l'argent qui circule. Vous ne connaissez pas la nature de l'argent qui circule. Et puisque j'en suis un petit peu à dire un petit peu de mal des boomers et des rentiers de cet âge-là, il y a beaucoup, beaucoup d'entre eux qui sous-louent des pavillons ou des appartements à des migrants, en passant par ces associations qui sont liées aux préfectures. Et soudainement, vous ne savez pas pourquoi, dans un quartier, vous voyez des nègres qui déambulent hein, en boubou, voilà, avec des landaus, tout est pris en charge par la collectivité, et vous ne savez pas pourquoi ils sont là. Vous ne savez pas pourquoi ils apparaissent oui, et, là. Et puis même, indirectement, à un autre niveau, les APL, c'est un transfert de l'argent des jeunes actifs vers les vieux rentiers de l'immobilier. Hein, parce que, évidemment, ça fait gonfler les tarifs. Alors, c'est bien sympa pour un étudiant qui n'a pas les moyens de se loger. Non, mais ça sert à rien. Hein. Les prix seraient plus bas, en fait. Hein. Ouais, mais c'est un transfert de pognon, les APL. Hein. C'est un transfert de pognon des actifs vers les rentiers. Dès que tu as une augmentation des APL, tu as une augmentation des loyers du même niveau. C'est juste... oui, c'est du racket. Du racket de cette génération-là. Sans compter le fait qu'en général, les appartes qu'ils achètent pour louer à des étudiants l'objet de lois de défiscalisation. C'est-à-dire, tu n'habites pas à l'appartement, tu t'engages à le louer pendant tant de temps, défiscalisation. C'est cool, hein. Alors le problème dans tout ça, en fait, comme je dis, c'est ceux qui payent n'arrivent pas à se défendre, en fait. Les boomers sont très bien organisés, parce que c'est eux qu'on va retrouver dans les syndicats. Enfin, de toute façon, c'est eux qui tiennent tout. Bah c'est eux qui ont créé le système en place. C'est eux qui ont créé les rouages du truc. Les gens qui bossent, qui payent des impôts, ne pigent rien. Ils sont là-dedans, ils pigent rien du tout. Ouais. Donc, C'est normal, hein. Je veux dire, quand tu bosses, que tu as une famille, t'as pas le temps de t'occuper de ça. C'est ça. Bah eux, ils n'ont pas vraiment bossé, tu vois. Ils disent qu'ils ont bossé. Ils ont bossé quand même, tu vois. Oui. Ils ont bossé, mais c'était une autre époque. Oui. Alors, ce que je veux dire, moi, c'est que la presse écrite, vous savez, qui a du mal à survivre, etc., intéressez-vous, vous verrez que leurs lecteurs, principalement, c'est des gens de ces générations-là, 50, 60 ans, essentiellement. Donc, cette presse parle d'une certaine façon, parce que leur lectorat correspond à une certaine sociologie. Les partis politiques, on en a parlé brièvement, mais ni Macron. Macron a essayé un tout petit peu de corriger, mais vraiment à la marge, hein, le curseur. Fiscal, en essayant un petit peu de faire contribuer les boomers, bon, ça s'est très vite arrêté quand il a reçu un retour de flamme. Bon, le Parti des Républicains, j'en parle pas. Donc en fait, on voit que au plan politique, au plan médiatique, je parle même pas au plan syndical, tout l'appareil est verrouillé. Donc il y a une question sociale sous-jacente, intergénérationnelle, il y a un conflit de génération auquel s'ajoute le conflit racial. Et si vous voulez, normalement, le parti. Regardez ce qu'a fait Salvini, c'est intéressant. Salvini, c'est vraiment frappant parce que l'Italie, c'est un pays qui est très vieillissant. Il y a des jeunes, en fait, qui n'ont pas d'opportunités professionnelles. Je ne vais pas rentrer dans la question italienne, mais il y a vraiment là une génération entière qui a été sacrifiée, quoi. Enfin, un taux de chômage absolument incroyable, bref. Et là-dessus, même politique, de la part de la gauche, du patronat, de la grande finance, c'est importation massive de nègres avec ce cinéma médiatique juif dans lequel on faisait croire à l'opinion publique qu'on sauvait des migrants de la noyade à 3 km des côtes de l'Italie. Ouais, ça, c'est quelque chose qui me stupéfie. Je pense qu'on devrait avoir l'occasion d'en reparler dans un autre épisode. Mais il y a une mobilité au niveau national qui est de plus en plus nulle, avec des transports en commun qui fonctionnent de moins en moins, avec des zones qui sont réservées à certains groupes ethniques. Hein, donc forcément, les Blancs se font exclure de ces zones, qui sont d'ailleurs des zones où les emplois sont là. Et on a une mobilité pour les jeunes actifs qui est de plus en plus faible, avec la disparition des auberges de travail, des foyers de jeunes travailleurs hein, qui existaient encore il y a quelques années. Maintenant, ça existe, mais c'est quasiment résiduel. Et on te parle sans arrêt de migration économique indispensable, alors qu'on n'est même pas capable de la gérer au plan national. Ça me laisse sans voix. Alors, pour en revenir donc à l'Italie, ce qui s'est passé, c'est que Salvini, il a compris cette confrontation générationnelle et lui, il a pris le parti des jeunes. Il a pris le parti des jeunes actifs ou des jeunes chômeurs qui ne comprennent pas comment eux, dans leur précarité, qui n'arrivent pas à avoir un logement, qui n'arrivent pas à trouver un emploi ou qui sont dans une forte précarité sociale, qui ne comprennent pas pourquoi on accueille le tiers-monde en Italie, ce qui transforme d'ailleurs des villes entières en zone de crime organisé, avec notamment la mafia nigériane et parfois hein, des épisodes de violence extrême, comme on a pu en parler dans l'émission, des meurtres, etc. Et donc, Salvini a compris ça. Donc lui, il s'appuie sur cette jeunesse qui a été foutue en l'air. Et c'est pas étonnant qu'il bénéficie d'un soutien massif dans l'opinion. C'est évident. C'est évident, il est à 30, plus de 30%. Bon, en France, normalement, le parti qui devrait remplir ce rôle, donc, ça devrait être normalement le parti de la droite populiste, normalement. Ça devrait être donc le Front National, maintenant le Rassemblement National. Le Rassemblement National devrait s'appuyer exclusivement sur les jeunes actifs, s'emparer des thématiques qui les concernent, et essayer de défendre, enfin, de remplir sa fonction et de les défendre dans l'arène politique. Or, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que c'est un parti de boomers. Le Front National est un parti de boomers avec des thématiques de boomers. Ce qui explique le discours marxiste de Marine Le Pen. On ne peut pas comprendre le discours de Marine Le Pen si on ne comprend pas que c'est un parti de boomers. Et ils sont constamment dans le mimétisme vis-à-vis des autres partis. Donc quand l'UMP, comme Wauquiez par exemple, se met à pleurer sur... les retraités qu'on éviscère en place publique, parce qu'en fait, on leur prend 3 euros dans l'année, oui. Marine Le Pen va en faire le double. Elle va dire que, voilà, non, c'est inacceptable. Vous n'entendez, Marine Le Pen, vous n'entendez jamais parler cette femme ou sa formation politique, parler des problèmes que rencontre la jeunesse de souche en France. Jamais. Alors effectivement, c'est intéressant comme analyse. Je vois un obstacle en fait à ce qu'une formation se crée et s'intéresse au devenir des jeunes actifs. C'est que autant sur le côté économique ça pourrait marcher, sur le côté identitaire pour certaines personnes ça pourrait le faire, mais je me rends compte en fait que de plus en plus les jeunes, c'est-à-dire entre 18 et 26, 27 ans sont complètement négrifiés. À quel niveau, par exemple ? Alors, par exemple, au niveau des goûts musicaux. Ah bah ça, c'est fatal. Les jeunes, maintenant, pour travailler dans des établissements de nuit, ils vont connaître, mais par cœur, les chansons du style Aya Nakamura ou alors la chanson de je sais pas quel nègre là qui chantait pour la Coupe du Monde Mbappé et compagnie, c'est affligeant. Après, ouais. Y a un autre ça c'est un problème qui est annexe mais qui me fait dire que les jeunes générations sont parfois bien négrifiées, c'est du point de vue du sexe. au niveau des pratiques sexuelles, au niveau du nombre de partenaires, ce genre de choses, on est quand même dans des générations qui ont intégré la vision juive du sexe, et donc se rapproche, à mon avis, de plus en plus des nègres. Donc dans ce cadre-là, est-ce qu'on pourrait avoir un Salvini en France? Ou alors est-ce qu'il faudrait par exemple qu'il soit plus light, c'est-à-dire publiquement parler de choses qui pourraient concerner un maximum de jeunes, c'est-à-dire effectivement le côté économique de la chose, accéder au pouvoir et par la suite essayer d'infléchir les sujets dont je vous ai parlé, mais ça me paraît compliqué de réveiller les gens, puisqu'en fait les gens individuellement... ils ont trop à perdre, quoi. Il y en a qui vont vous dire « Oui, t'as raison, sur le point de vue de l'économie, ouais, d'accord, les boomers, ouais, d'accord, c'est vrai, les immigrés. » Mais dès que vous allez leur parler du sexe, du libertinage, de la pornographie, ils vont vous dire « Non, mais attends, tu vas trop loin, t'es pas là pour jouer aux flics dans les chambres à coucher. Bah, » En fait, le problème, c'est que les pratiques sexuelles, les goûts musicaux, tout ça fait partie d'une attitude qui nous entraîne vers le bas, quoi. Donc, Bah le problème en fait, c'est que la différence, c'est que en France, l'État est extrêmement fort, à la différence de l'Italie où la société, enfin, il y a encore un peuple italien, c'est ce que je veux dire en fait. Il y a encore un peuple italien, une culture italienne. Il y a pas l'État providence aussi développé justement qu'en France. Donc, dans une certaine mesure. C'est une société qui est, malgré les problèmes qu'elle traverse, qui est quand même un peu plus saine. Oui, c'est ce qui sauve l'Italie, c'est qu'ils ont un état faible depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait. Voilà. Ouais, ça, c'est vrai. Puis bon, t'as les structures économiques ne sont absolument pas les mêmes en Italie. Ça, c'est les grosses entreprises qui font du social et enfin les boîtes d'État. Hein. Et le fort taux de fonctionnariat a fait perdre beaucoup aux Français. Je crois qu'on peut dire merci à Charles de Gaulle. Hein, c'est... Oui, oui. Hein, merci. Au gaulo-communisme, oui, on peut dire. Ouais, non, je suis un peu plus obligé avec toi. Non, c'est très, très bien. Merci d'avoir mis les communistes au pouvoir. Ouais, non, mais c'était déjà le cas avant De Gaulle, toi. Mais déjà avant, le colbertisme, c'est lui qui a remis les clés en main au Parti communiste en France. Voilà. Non, c'est l'inverse. De Gaulle n'aurait pas pu prendre le pouvoir sans les communistes. C'est ce que je dis. Il a dit, voilà, donc voilà les grands secteurs de l'activité économique ici, là, l'électricité, le truc, voilà, voilà, c'est tout. C'est vrai que d'une certaine façon ça produit des boomers, je suis d'accord avec toi. Ça a produit les boomers et ensuite si tu veux ça a déresponsabilisé massivement les gens et puis voilà et ensuite bah après la France c'est vraiment un système intégralement socialisé. Donc hautement hygiénique. Tu sais que c'est le berceau du communisme hein, quelque part. Ah oui, je suis d'accord avec ça. Mais alors, donc quand Lénine est arrivé de son train blindé à Saint-Pétersbourg, on chantait la Marseillaise, hein, on chantait pas l'Internationale. Hein. Je sais bien, mais le problème c'est que ça, enfin, je veux dire, le rôle de l'éducation nationale, le rôle aussi d'une certaine façon du centralisme parisien qui donne le ton sur tout l'Hexagone, et puis cette culture. De l'étatisme, hein, donc de la dépendance vis-à-vis de l'autorité publique, de la déresponsabilisation de masse, qui te rapproche quand même, bon an, mal an, toujours un peu plus du nègre. Hein, je veux dire, le nègre, il est dans la même attitude psychologique fondamentale. En fait, il y aurait un mème à faire. Hein, je ne sais pas si nos camarades participatifs pourraient le faire, mais celui de l'État nounou, avec tout un tas de mamelles façon la Louve de Rome, qui... par ses mamelles, engraisse des hordes de nègres. Bah, tu voilà, prends à la place de Romulus et Rémus, tu mets deux têtes de négrillon, et voilà, t'appelles ça la République française, quoi. Hein, voilà, c'est... Donc c'est... Mais enfin, il y a eu un gros boulot de destruction, je veux dire, culturelle qui a été entrepris en France, et puis faut pas perdre de choses aussi, faut pas perdre de vue une chose, c'est qu'en 1944, la droite a été détruite en France, et elle n'a plus jamais réapparu. Au niveau des élites. En France, en 1944, il y avait encore quelques élites de droite. Attends, tu veux nous faire croire que Laurent Wauquiez n'est pas de droite ? Ni François-Xavier Bellamy. Non, mais je veux dire, c'est un tournant, quoi. Donc, parce qu'il n'y avait pas eu de fascisme. Donc, par exemple, tu vois, tu prends en Italie, bon, ils ont détruit le parti fasciste, hein, mais il y a beaucoup de fascistes qui sont restés dans le système. Donc, dans une certaine mesure, ça a été mitigé. Mais en France, pays de la Révolution, de l'égalitarisme, où il y avait déjà un particularisme très fort, l'efficacité de l'épuration a définitivement privé, en fait, de tout semblant de bon sens l'appareil d'État, quoi. Et donc, c'est pas du tout étonnant qu'on y avait, finisse avec ça. Hein. Je pense qu'il y avait encore des mecs de droite jusqu'à la décolonisation. Et ce qui est tragique, mais vraiment, ce qui est tragique dans l'histoire de ce pays, c'est que les derniers mecs de droite sont morts pour des combats de gauche dans nos colonies. Et c'est vraiment tragique, hein. C'est très triste. Ouais, enfin, c'est pas comme ça qu'ils le voyaient, mais je vois ce que tu veux dire. Mais bon, voilà, et bon, enfin, on hérite de quelque chose, et quand Captain parle de négrification mentale, faut quand même bien comprendre que entre l'éducation nationale, qui est à... Donc, là, c'est l'État, c'est la partie dure de l'État, hein, 80% de femmes au niveau des personnels de l'éducation nationale, donc déjà l'infantilisation, plus la nature des programmes, le niveau qui s'effondre... 98% d'extrême gauche. Voilà, oui, massivement. Vous ajoutez à ça les grands médias d'État, France Inter, France Culture, comment dire, mais tout, quoi, qui crée un bruit de fond permanent. Vous allez me dire, les jeunes, ils n'écoutent pas France Inter, je suis bien d'accord, mais ça crée un bruit de fond, hein, vous rentrez quelque part, il y a une radio qui est allumée, un truc public, oh, ça peut être France Inter, ça peut être... Voilà, vous répétez l'expérience sans arrêt, ensuite vous ajoutez Skyrock, ensuite vous ajoutez tous les groupes de rap, les machins qui sont promus agressivement par le ministère de la Culture. Bon, vous faites ça sur des décennies, vous terminez, effectivement, avec des jeunes qui sont dans leur tête, dans une position psychologique d'assister en puissance. D'ailleurs, c'est le premier boulot qu'ils veulent faire. Vous regardez les sondages, on demande même qu'est-ce qu'ils veulent devenir. Fonctionnaire. Oui. Fonctionnaire. Mais c'est un réflexe qui se comprend et qui est cohérent. En France, évidemment, il faut être fonctionnaire. C'est ce qu'il faut être en France. Je veux dire, si tu regardes socialement, concrètement, à froid, qui sont les gens qui sont les plus protégés? Fonctionnaires d'État, dans une grande administration, c'est là où c'est le plus intéressant à être. État ou administration de territoire, en fait, tu as de tout. Hein. Bien sûr. C'est un choix rationnel. Mais c'est quelque chose qui s'explique. Donc, tu fais ça. Il n'y a pas ça en Italie. Il n'y a pas ça en Italie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gauchistes en Italie. Hein, mais il n'y a pas du tout la même approche. Enfin, le tissu social n'est pas du tout détruit de la même façon. Quoi. Pas du tout détruit de la même façon. Il n'y a pas la grande lessiveuse. Quoi, la grande lessiveuse, voilà, de l'État français. Ouais, y a énormément de PME, en fait. Chose qu'on sait très peu. Mais il y a beaucoup de PME industrielles. Hein. Je parle pas de petites PME d'épicerie. Hein. Non, bah, ça tourne bien l'Italie. Le nord de l'Italie, le Piémont, hein, tu vois tu vois des entreprises encore. Hein. Quand tu passes du côté français où c'est un bronze cul parisien, tu vas en Italie, c'est plus la même chose. Bah, déjà, moi franchement, hein, on parle souvent de l'éducation nationale, des profs et tout, qui ont joué un rôle pour moi, enfin c'est historique, la Troisième République, elle a été créée par les profs. C'est eux qui ont donné le ton à partir des années 1870-1880, c'est eux qui ont façonné cette République. Voilà, et ça n'a jamais arrêté. Et c'est pas étonnant, regardez, on parlait des associations de migrants, vous allez regarder les profils des gens qui sont dans la rue à manifester pour accueillir des migrants ou qui vont donner... de la soupe à des migrants ou qui font des collectes de vêtements pour les migrants. Regardez l'âge, regardez les profils. C'est dans 90% des cas des fonctionnaires de l'éducation nationale. Dans 90% des cas, c'est des gens comme ça. Oui, à la retraite. Hein. Parce que je pense que les... Souvent à la retraite, mais pas uniquement à la retraite. Oui, souvent je retraite, pense que... Faut pas oublier un truc. Hein. Bon, ici, on a un certain âge, mais la génération qui va arriver... dans les lycées, dans les collèges, en tant que prof, c'est celle qui arrive là, c'est celle qui naît à la fin des années 90. Hein. C'est ça, c'est ça. Donc eux, à mon avis, le gauchisme, s'ils l'ont ingéré, s'ils l'ont gobé, c'est pas de la même façon que nous qui sommes, disons, plutôt de la génération des années 80. À mon avis, eux, tu leur fais pas manger de la soupe multiculturelle. Ah bah, je pense que si, parce qu'aujourd'hui, si tu veux, d'abord, c'est essentiellement des femmes. Ouais, et puis comme et le gratin, le matériel humain chez les nôtres, c'est pas ça. C'est-à-dire ouais, que il y a de l'assimilation, si tu veux, mais ça va dans le sens où tu as des blancs qui écoutent du rap, voilà. voire qui en font, c'est encore pire. Mais comment dirais-je, je veux dire, il faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, donc c'est essentiellement des femmes, et compte tenu de ce qu'est l'éducation nationale et du public dont elle s'occupe, qui est racialement ce que vous savez, aujourd'hui, les femmes qui vont dans l'éducation nationale, très majoritairement, veulent être au contact des nègres et des arabes pour les sauver de leur négritude et de leur bouignolitude mentale. C'est comme, comment dirais-je, les bonnes sœurs qui allaient en Afrique faire de la vaccination. C'est du même niveau. Il faut parler avec ce genre de femmes pour savoir ce qu'elles ont dans la tronche. Hein. Je veux dire, elles pensent qu'elles vont les sauver. Hein. Elles vont sauver les arabes de l'arabité mentale. Et elles sont dans cette Sauvons les démarche. nègres. Voilà. Mais vraiment, donc c'est ça aujourd'hui, cette grande machine. Et moi, je dis que les profs ont détruit la France. Moi, je dis les profs ont détruit la Mais France. c'est marrant parce que quand les militaires partent dans les pays d'Afrique, ils touchent des primes de risque. Et je crois que c'est la même chose pour les profs. Quand ils vont dans les zones à nègres, ils touchent une prime. Tu vois, même Ouais, il y a s'ils des vont en région avantages. parisienne, ils touchent une petite prime. Alors, je pense que ça doit pas être énorme. Mais c'est Si, si, effectivement, tu le rigoles. parallèle est bien trouvé. Les profs en lycée français à l'étranger, ils palpent, hein. Oui, enfin moi je parle pas des lycées français de l'étranger, je parle des lycées étrangers de France. Ah oui. Alors messieurs, on va abandonner un petit peu cette discussion pour passer au sujet suivant. Rubrique numéro 2, autisme radical. On va en Belgique, Fulbert, on va chez toi, et on découvre une femme qui s'appelle Ameline, qui a le cœur sur la main. On va écouter quelques extraits et on se retrouve tout de suite après. J'ai décidé de les aider en 2017 en novembre, car il y avait des bébés de 6 mois, 9 mois et des femmes enceintes, qu'ils avaient froid, qu'ils avaient faim. Et les voir venir toquer à ma porte qui crevaient de faim, ça c'est pas possible pour moi de les laisser comme ça. Si j'ai préparé donc des pâtes pour aujourd'hui midi, et donc ils vont avoir aussi de la tomate qu'on a fait fraîche pour eux. C'est ma maman et moi qui paye, donc on va chez Colreuil chercher de l'eau, des pâtes, de la tomate, des oignons. À minuit et demi, ils viennent rechercher leur GSM qu'on a pu recharger chez leur famille, comme ils disent, et puis ils partent au parking de Spi. Soudan, Libye, il y a des femmes qui sont fait violer, eux sont se fait taper, ils ont des cicatrices sur eux vraiment qui me font vraiment mal au cœur parce que voilà, c'est des gens comme nous, c'est des humains, c'est pas des bêtes. Chez nous, 100 personnes, c'est pas possible aussi. Donc, et dans les petites tentes comme ça, à 5 personnes sur eux, ça va pas non plus pour eux. Pour tirer les tentes, on ne voulait pas, mais on va devoir le faire. Et déjà, il y a des voisins qui rouspètent parce que voilà, il y a un camp des migrants à côté de chez eux. Ils appellent tous les jours la police. On a besoin un peu de dons quand même parce que mon salaire passe pour eux, mais ça sera plus possible. Pour ça, car ça fait 2 ans que c'est comme ça et il y a un moment qu'il faut lâcher. Bon, je parlais un peu des femmes de l'éducation nationale qui veulent, un petit peu comme durant la période des colonies, celles qui voulaient aller faire de la vaccination. Bon, je vois des similitudes. Alors, elle fait littéralement de l'élevage de nègres dans son jardin. Hein. Elle fait pousser du nègre dans son jardin. Et c'est comme les espèces invasives en fait. Au début, on commence avec 20, et au bout de 2 ans, on en a une centaine. Voilà. Elle a une armée de nègres dans son jardin. Fulbert, qu'as-tu à dire pour ta défense? Ma défense est vite dit. Ce que j'ai à dire, bah, il faut nettoyer tout ça, voilà ce que j'ai à dire. Non, oui, Bon, il oui, faut bon. décrire un peu la greluche. Alors la greluche, elle est habillée. Je trouve qu'elle est habillée assez sexy, vu le public dont elle s'occupe. En tout cas, elle soigne sa coiffure. Hein, voilà, je vois des. Alors, on est quand même sur des gens à faible revenu. Hein. Elle est quand même d'extraction assez modeste socialement, visiblement. Hein. Elle consacre, comme elle le dit, son salaire à l'entretien de tous ces gens. Mais je constate que, voilà, jupe, bottes. Un décolleté qui laisse suggérer une poitrine, voilà. Bon, je vois qu'elle touche, elle est tactile aussi, elle est tactile avec oui. son nègre. J'ai cru que c'était Emmanuel Macron hein, quand hein je l'ai vu. Tiens, voilà. C'est bizarre. Ah, le pelote, les nègres. Ça me rappelle un peu Faudé, moi. Hein. Ça me rappelle un peu Faudé, tout ça. Oui, le mineur. Bon, le regarde mineur, sa gestuelle. C'est assez marrant parce qu'effectivement, elle a un certain décolleté. Mais elle aime bien fermer son blouson avec ses mains, tu vois. Hein, c'est la pudeur qui se montre. C'est un petit côté, j'irais pas tradasse, hein, parce que on n'est pas là. Mais c'est oui, j'aime montrer ma chatte, j'aime ploter du migrant. Mais bon, de là à me faire violer directement devant les caméras, il n'y a qu'un pas. Bon, on n'a pas été voir hein, ce qui passe. Hein. Alors, Fulbert, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette situation en particulier ou peut-être plus généralement? C'est quand même stupéfiant parce qu'en fait, l'État belge, il n'est pas là. Hein. Je veux dire, la situation est connue. 100 clandestins installés dans une propriété, bon, c'est quand même pas rien. Les voisins ont l'air de s'en plaindre depuis très longtemps. Ça fait plusieurs années que c'est là, comme je le dis. Et... Il n'y a pas l'ombre d'un flic, il n'y a pas l'ombre d'un représentant du gouvernement. Enfin, c'est extraordinaire quand même. Enfin, je pense que Fulbert avait dans son jardin mis un abri de jardin, justement, pour ranger des outils ou autre, les services de l'État se seraient enquéris de mais monsieur, avez-vous un permis? Avez-vous une autorisation pour... On a mis trois bouts de planche là, c'est non, ça va pas. Les nègres, non, ça va. Tu peux empiler des nègres tant que tu veux dans ton jardin. Des nègres clandestins, hein, faut vraiment préciser. Oui, bah oui, oui, des nègres clandestins. Sont... Enfin, des gens, oui. Je te trouve. Oui. Bien sûr. Hein, pas de dérapage. C'est... Ah, bah c'est Pâques, je suis généreux. Comment dirais-je, ouais. Fulbert. Alors, Fulbert, dis-nous en plus. Bah, je ne sais pas en dire beaucoup plus, mais. Et je peux au moins faire remarquer une chose, c'est que avant même que ne paraisse le reportage issu de RTBF, hein, il faut le préciser, et un ami m'avait, qui habite dans la région là-bas, du côté de Spi, où il y a ce fameux aire de stationnement, comme on dit, autoroutière, et le type avait raconté une petite anecdote. Justement à propos de la véritable prise d'assaut des camions qui s'arrêtent sur ce fameux parking, dont la pétasse dit d'ailleurs qu'il n'est qu'à 200 mètres, hein, il le dit dans le reportage. Et bon, il y a vraiment un problème, ce monsieur, l'ami, m'avait expliqué ça il y a déjà, moi, sûrement 2 ou 3 mois. Mais manifestement, il y a quelqu'un qui s'active avec cette espèce de fausse blonde, qui s'active pour créer des problèmes. Je ne dis pas qu'elle le fait exprès, bon, parce qu'elle n'a pas l'air plus intelligente que ça, mais bon, ça faisait des problèmes connus avant même qu'il y ait le reportage et l'article de DP. Oui, donc c'est quand même... Moi, j'ai un truc. Il y a un truc qui m'a choqué, moi, dans le reportage, c'est que... Il est où son papa? Il n'y en a pas, on dirait. Il est où son mari? Ah. J'allais dire exactement la même chose, Othman. Eh oui, parce qu'encore une fois, on voit quoi? On voit une grognasse et qui tire sa mère dans la merde et la maman qui, par amour pour sa fifille, bah dit rien. Alors qu'en fait, quand vous avez un père ou un frère, généralement, surtout les générations précédentes, il va pas vous laisser faire n'importe quoi. Et si vous n'êtes pas contente, ça va pas aller, quoi. Ouais, non, voilà. Mais c'est évident. Cette gonzesse mérite un homme. Un vrai, hein. Alors, elle le mérite, bon. Oui, l'homme elle le mérite peut-être pas. Donc, elle en a besoin. Elle en a besoin. Oui, ouais. Mais en fait, c'est tous nos pays qui ont juste besoin que les hommes reprennent leur place, quoi. Non, mais c'est ça, hein. Franchement, c'est ça, quoi. Je veux dire, c'est. Mais cette situation est quand même hallucinante. Alors, t'as une propriété privée, t'as une centaine de nègres clandestins, les types prennent d'assaut à 200 mètres de là des poids lourds, quitte à provoquer un accident mortel à grande échelle. Bon, ça se passe en Wallonie, hein, si je me trompe pas, hein. Ils sont francophones, donc je présume que c'est ça. Oui, donc ils sont communistes. Voilà. Alors, donc, tout est géré par les socialo-communistes, c'est-à-dire que c'est pas géré. Donc, bah, c'est ce qu'on disait, déresponsabilisation, c'est pas nous, il faut voir le bureaucrate X. Alors évidemment, tout le monde se jette là parce que personne ne veut prendre ses responsabilités ou prendre de responsabilités politiques. De toute façon, il y en aurait un qui oserait faire quoi que ce soit, la presse rouge se déchaînerait contre lui en le traitant de fasciste, de tout ce qu'on veut, parce que la presse wallonne, c'est de ce niveau-là, hein, c'est comme en France. Donc, la situation pourrie sur pied, et t'as toutes ces greluches. Hein, donc, les ovaires au pouvoir, le grand n'importe quoi. Le grand, elle écoute ses émotions, dit-elle. Ah, mais c'est des êtres humains. Non, alors ça, excusez-moi. S'il y avait un bonhomme dans la baraque, une paire de gifles à la baraque et les bougnoules et les nègres signalés aux flics et dégagés de là à coups de pompe dans le cul. Hein. Ah, mais pour des questions, c'est comme pour ça que des ça questions de survie, elle est obligée de faire ça. En fait, Ameline, c'est quoi? Bon, effectivement, elle m'a l'air d'être une pauvre fille, mais quelque part, c'est bien une allégorie de la femme européenne moderne. S'il n'y a pas d'hommes pour défendre le territoire, quand les hordes d'étrangers de métèques arrivent, elle est obligée de faire copain avec eux et de les nourrir. Sinon, ils la bouffent ou ils la violent. Tu vois? Non, bah, oui, moi, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais tu vois qu'il y a quand même une énorme complaisance de sa part. Mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est la psyché féminine. C'est oui, je suis d'accord. C'est la symbolique. La symbolique, c'est la femme qui. Qui donne son cœur au vaincu et son cul au vainqueur, ouais, c'est ça. Je crois pas qu'elle donne son cœur au vaincu, je dis souvent, elle donne son cœur et son cul au vainqueur. Là, il y a personne, en fait. Donc, comme il n'y a pas de père ou quoi que ce soit, oui, effectivement, elle donne les deux. Non, mais t'as l'impression de voir un pays, si tu veux, où il n'y a plus d'État. C'est ça que tu vois, c'est ça que t'as sous les yeux, il n'y a plus d'État. Et l'État, par définition, c'est vertical, c'est l'autorité. Hein, c'est la limite, c'est la justice, vous savez, tous ces principes-là. L'État, et ça s'est évaporé, c'est évident. Mais il est là, mais sur les fonctions. L'État est là sur les fonctions régaliennes. Fonctions régaliennes, qu'est-ce que c'est? Ce sont les fonctions qui consistent à piller les blancs, voilà, les impôts. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que l'État belge a un niveau de prélèvement sur le PIB qui est quasiment celui de la France. Hein. Voire peut-être même légèrement supérieur. Oui, c'est équivalent. Oui. Ah oui, le prélèvement est supérieur, oui. Récemment, un article est paru sur une comparaison européenne et même extra-européenne. Et la Belgique se trouve en tête. Bah, tu vois, donc ça, c'est un État socialo-communiste. Voilà. Absolument. Voilà, c'est un État socialo-communiste. Et en fait, c'est de la faute à personne. Moi, je suis sûr, hein, vous allez sur place, vous essayez de parler aux autorités. Qui s'occupe de ça? On ne sait pas. Allez voir tel bureau, tel truc. Voilà, c'est tout. Tu tourneras en rond comme ça indéfiniment. Personne ne veut rien savoir, etc. Parce que c'est fatigant, il faut faire quelque chose. Mais j'aimerais bien qu'on nous réponde par courrier des lecteurs, si certains camarades juristes nous écoutent. Mais qu'est-ce qu'on est autorisé à faire si jamais, alors pas 100, hein, mais admettons 5 ou 6 nègres débarquent chez toi et s'installent sur ton terrain, tout en sachant que s'ils sont 5 aujourd'hui, ils seront 20 demain et 100 la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour défendre ton territoire? Alors ça dépend beaucoup de la situation. Est-ce que tu habites dans ton domicile, etc. Mais généralement, et alors l'extrême gauche est très forte là-dedans, c'est qu'ils repèrent des domiciles vides. D'accord? Et au-delà d'un certain nombre de jours d'occupation, Il faut engager des... Franchement, c'est surréaliste, un truc comme ça. Ah non, mais vous avez toute une... Si tu peux prouver que tu es là depuis 3 jours... Voilà. Normalement, mais 3 jours, hein. Si vous partez en congé, vous... enfin, il y a des gens qui partent en congé, ils rentrent chez eux, non, il n'y a plus. C'est fini. Ouais, il faut lancer toute une série de procédures judiciaires pour parvenir à l'expulsion, dont on sait que procédures qui, au total, prennent environ 2 ans à 2 ans et demi. Parce qu'ensuite, il y a tous les appels, etc. Et ils ont des avocats. Ils ont des avocats. Je connais des hommes très concrets. Ce sont des avocats d'extrême gauche qui accompagnent toutes ces organisations. Mais attention, il y a du trafic en dessous. Hein. Et donc, ils placent des nègres ou des arabes clandestins dans des logements qu'ils ont repérés. Des militants d'extrême gauche viennent prêter main forte pour changer les serrures, etc. C'est-à-dire qu'ils rentrent dedans, ils changent les serrures. C'est-à-dire que quand le propriétaire arrive, hop, il ne peut plus ouvrir la porte. Les serrures ont été changées. Les types sont bouclés là-dedans. Vous devez. On en vient à un point crucial, c'est la solidarité communautaire raciale. C'est-à-dire qu'eux sont en groupe. Ils sont organisés, ils sont en groupe. Généralement, les blancs fonctionnent sur un système individualiste. Donc, qu'est-ce que tu fais dans un système individualiste? Et c'est un petit peu le résultat d'ailleurs de ce système étatisé. C'est qu'en fait, tu dois faire des recours auprès des autorités. C'est les autorités qui vont prendre, lancer des actions officiellement. Bon, oui, ça c'est bien en théorie, mais en pratique, avec un état déficient comme dans ce cas précis en Belgique et comme c'est le cas en France, les autorités ne sont absolument pas concernées. C'est pas le bureaucrate auquel vous avez affaire qui a son domicile occupé. Il n'a aucun intérêt à faire du zèle. Il s'en fiche. Pour lui, c'est des problèmes supplémentaires. Vous comprenez? Donc en fait, quelle devrait être la réponse? Et j'ai vu que ça s'est passé dans le sud de la France il y a peut-être 6 mois de ça. Ce qu'il faut faire très vite, c'est trouver toute une série de personnes du quartier ou du village, ça dépend de la situation, et déloger les mecs par la force. Le parti de l'Aube Dorée en Grèce, ils sont fait connaître de cette façon. Ils viraient les métèques et les squatteurs, crasseux, gauchistes, grecs, autochtones, hein, des appartements squattés. Et ils sont fait respecter comme ça. Rubrique numéro 3, les pétasses féministes de la semaine. Magdav, j'espère que tu as des choses à dire. Dispose ce soir un enseignant d'Assas viré après ses messages à des étudiantes. Alors, la faculté de droit d'Assas a renvoyé un de ses enseignants chargé de TD après que 69 étudiantes se sont plaintes auprès de l'administration d'un comportement lourd et insistant de l'intéressé à leur égard. La présidence de l'université de Paris, Paris 2 Assas n'a que 2 mots, aucun commentaire. Pourtant, entre les murs de cette faculté de droit parisienne, parmi les plus prestigieuses de France, les bruits de couloir se sont déjà transformés en scandale interne. Le 26 mars, Monsieur B, un chargé de TD en poste depuis 3 ans, a été renvoyé après avoir cherché à séduire, avec force messages et comportements insistants, plusieurs dizaines d'étudiantes de première et de deuxième année de licence. Selon nos informations, 60 jeunes femmes âgées majoritairement de 18 à 20 ans ont versé leur témoignage à l'administration en mars, preuve écrite à l'appui. Le 10 avril, un signalement des faits a été déposé auprès du parquet de Paris, atteste Manuel Miller de Azevedo, directeur adjoint chargé des études et de la vie universitaire à Paris 2, à la tête d'une cellule de lutte contre les violences sexistes et sexuelles créée à la rentrée dans l'institution. Je suis heureuse de le savoir virer. Je n'aurai plus à faire des détours dans les couloirs pour éviter de le croiser, souffle Sonia, dont le nom a été changé. 19 ans, en deuxième année de droit. Je ne suis pas la plus à plaindre, glisse-t-elle. Je n'ai reçu que 13 messages sur Instagram. Le dernier date du mois de mars, quelques jours avant l'éviction de ce chargé, comme on nomme dans le jargon étudiant ces jeunes étudiants, souvent thésards, qui approfondissent lors de travaux dirigés les notions abordées en cours magistral. Monsieur B procédait toujours de la même manière, a constaté une enseignante à laquelle se sont confiées plusieurs étudiantes ciblées et qui résume les pratiques du chargé par un mot, une chasse. La prise de contact commence sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Je te trouve plutôt très mignonne. Fais gaffe, je suis assez sensible aux filles mignonnes comme toi. Peut-on lire dans certains échanges, nous avons eu connaissance. Et puis, es-tu dispo par hasard ce soir? Tu préfères un verre? Florence, comme Sonia, ignore comment l'enseignant a trouvé leurs traces sur les réseaux sociaux, alors qu'elles prennent soin d'utiliser des pseudonymes sur Internet. En tout cas, le soir même de la pré-rentrée, en octobre, alors que j'étais toute nouvelle à Assas, j'ai reçu une invitation d'un certain Monsieur B, raconte Florence. Je pense que c'était un étudiant qui m'avait croisé lors de la présentation du cursus en amphi. Je n'avais mis nulle part sur les réseaux sociaux que j'étais étudiante à Paris 2. Quand elle apprend quelques semaines plus tard qu'il est chargé de TD et qu'il pourrait potentiellement lui faire cours ou corriger une copie de ses galops, ses devoirs sur table qui comptent pour une part importante du contrôle continu, Florence est choquée. Vient la période des examens, au partiel, je me suis aperçu qu'il surveillait mon amphi. Il rôdait autour de moi pendant que j'écrivais. J'ai été très décontenancé. Elle pensait à ce moment-là être la seule de sa promotion à vivre avec cette pression en plus. Parmi les jeunes femmes qui ont constitué le dossier, certaines ont cédé d'avance du jeune enseignant réputé dans la fac pour entretenir de manière générale une proximité inhabituelle avec ses élèves, filles et garçons. On ne pourrait voir que de la drague dans tout cela si ce monsieur n'avait le pouvoir de mettre un point en plus ou un point en moins sur une copie, explique une enseignante fine connaisseuse de l'universitaire des études de droit. Dans un cursus aussi compétitif, un point peut être décisif pour la suite de ses études. Je comprends que dans ces conditions, une jeune fille de 18 ans hésite à envoyer balader le prof. Il n'a jamais laissé entendre qu'il pouvait remonter les notes, précise de son côté une de ses anciennes élèves. Néanmoins, on a observé que de manière générale, les garçons étaient moins bien notés que si l'on refusait des avances. Nous, étudiantes, avions peur que cela ait un impact. Depuis que l'affaire s'est ébruitée, une suspicion s'est mise à flotter dans les amphis à propos du bien fondé des moyennes obtenues par les jeunes femmes réputées proches du chargé de TD. C'est tellement dur d'avoir de bonnes notes à Assas, on en arrive presque à être jalousé des autres filles malgré ce qu'elles ont vécu, admet Sonia. Plusieurs professeurs en licence ont de leur côté publiquement dénoncé les faits au début de leur cours d'amphi, juste après l'éviction de Monsieur B. La culpabilité n'a pas à être du côté des étudiantes, pour elles c'est la double peine de se sentir honteuse, confie une professeure qui préfère garder l'anonymat. Elle s'interroge sur ces agissements qui ont peut-être duré 3 ans sans que personne ne soit alerté. Cela en dit long sur la confiance que l'on inspire à nos étudiants, dit-elle. Joint ce vendredi matin, M. B n'a pas souhaité s'exprimer, tout en indiquant en avoir en sa possession tous les éléments pour prouver son innocence. Alors, chers amis, voilà l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez donc de ce chargé de travaux dirigés qui se retrouve viré, hein, en fait c'est quelqu'un qui ne sera jamais plus intégré dans le monde universitaire en tant que professeur, ça c'est tout à fait certain. Qu'est-ce que ça vous inspire cette histoire? Alors si je peux me permettre, déjà on va parler de justice. Alors effectivement, si t'es un mec et que tu bosses bien et que t'as des notes moins bonnes parce que t'as pas de chat, c'est clairement injuste. Maintenant, qu'on ne se leurre pas et qu'on ne se foute pas le doigt dans l'œil, combien de profs notent leurs élèves au point karma, on va dire, c'est-à-dire au point point sympathie. Alors t'as des profs qui notent certains élèves plus parce que leur gueule leur revient plus, ou alors parce que certains élèves ont des propos ou des questions en cours qu'ils estiment par exemple convenir avec leur ligne politique. Par exemple, quand j'étais étudiant, il y a des profs, quand ils balançaient certaines choses, je réagissais, et ça partait des fois dans des discussions assez houleuses. Hein. Donc forcément, ces profs-là, après, quand ils te notent, Donc voilà, donc d'un côté, oui, c'est injuste pour les mecs, de l'autre, c'est quand même de l'hypocrisie totale, parce que, bon, voilà, hein, les profs, on sait ce que c'est, ils sont pas parfaits, ils sont loin d'être objectifs, puis voilà. Deuxièmement, le mec, il a agi, il a la dalle, quoi. Il a envie de choper. C'est ce qu'on appelle un mec. Hein. Alors après, c'est sûr que on tape beaucoup sur les gonzesses ici, à raison, parce qu'il y a quand même des connasses qui ont accepté de coucher avec pour avoir de meilleures notes, ou d'autres entre guillemets par peur de pas avoir de bonnes notes. Dans une société qui se respecte, en fait, c'est pas que les gonzesses qu'on contrôle. On contrôle aussi, bien entendu, l'appétit sexuel des hommes qui font partie de la société. Parce que pour qu'un homme fasse de la merde avec une fille, enfin pour qu'une femme fasse de la merde, il faut quelqu'un du sexe opposé aussi. Oui, alors, plusieurs fois, le mot professeur revient. Il est d'ailleurs dans le titre. C'est pas un professeur, hein. C'est un étudiant. C'est un étudiant qui donne des cours comme tout doctorant. enfin, comme beaucoup de doctorants. Donc, certes, il a un statut, il l'utilise, il le reconnaît lui-même, hein, il le dit dans l'article. Voilà, si j'avais pas statut, il y a de fortes chances que ces femmes ne s'intéressent pas à moi. Mais ce qui est nouveau, c'est que en fait maintenant le harcèlement, c'est draguer peut-être lourdement beaucoup de nanas, et mais pas de façon incitante pour chacune d'entre elles. Je suis désolé, recevoir 13 messages sur Instagram, ça s'appelle une discussion courte. Et ce type se fait passer pour un harceleur. Oui. Je suis désolé, c'est juste c'est un dragueur. Non, c'est un étudiant. D'autant plus qu'aucune des nanas n'a dit que il faisait du marchandage de notes. Donc, ouais, il n'y a pas de chantage. C'est elles qui, je pense, ont accepté. Et peut-être que le type était très sympa aussi, hein, parce que visiblement il était proche des étudiants. Et encore une fois, je répète qu'il en est un. Vous pouvez y sortir avec. Et 10 conquêtes sur 3 ans, ça fait une par semestre, plus les vacances scolaires. C'est pas grand chose, hein. C'était pas non plus extraordinaire. Donc le type en a profité, d'accord, on peut l'interdire comme on fait aux États-Unis, on interdit toute relation sexuelle ou sentimentale entre les profs et les étudiants, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais de là à présenter le type comme un harceleur et en faire, à faire de ces nénettes des victimes, et c'est juste délirant. Disait, ces gonzesses, elles y ont été parce qu'effectivement, elles pensaient avoir des points de plus. Qu'on ne nous fasse pas croire qu'elles avaient la trouille d'avoir des points en moins. C'est complètement faux. Si elles ont accepté de coucher avec elle, avec ce mec, et encore, si c'est pour des raisons. On va dire qu'ils ne sont pas liés à tout simplement une envie d'avoir une relation d'un soir avec un type que tu peux trouver sympa ou attirant, hein, parce que ça arrive aux nanas, hein, on n'est pas ici, on n'est pas non plus des talibans. Bah, voilà, dire qu'elle le fasse, qu'elle l'assume, et puis qu'elle nous arrête de nous faire croire que c'est des victimes. Mais si, imagine, est-ce que dans un amphi qui est rempli de gonzesses, tu as la possibilité de médiatiser une sorte de mini Weinstein. Mais toutes vont signer, toutes vont dire « Ah oui, c'est vrai, hein, il m'a regardé pendant le partiel, t'es louche. Ah puis oui, il m'a demandé, il m'a dit que je le trouvais joli. » Non mais putain, c'est ça le harcèlement. Bah, par contre, toutes ces étudiantes, quand elles se font agresser en permanence par des mamadous fraîchement débarqués du tiers-monde, qui leur demande « Ouais, t'as pas une 06 ? Ouais, sale pute !» Ah non, non, là, c'est pas du harcèlement. Non, non, non, non, c'est pas du harcèlement. Donc, voilà. Hein, je veux dire, si elles étaient cohérentes avec elles-mêmes, elles assumeraient le fait d'être des étudiantes qui ont dragué un chargé de TD pour se faire plaisir et puis pour peut-être avoir un point en plus. C'est tout. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce numéro médiatique ou médiatisé, qui en fait vise à essayer d'innocenter les femmes quant à l'instrumentalisation qu'elles font de leur corps pour un avantage, on va dire, social. Quel qu'il soit, quoi. Ça peut être ce qu'on appelle la fameuse promotion canapé. Bon, ça existe, hein, la promotion canapé. C'est vrai qu'il faut être deux, mais il y a quand même un certain nombre de femmes qui ne refusent pas le principe de la promotion canapé, hein. Je veux dire, il y a même des femmes qui en prennent l'initiative. Et en fait, là, c'est une espèce de mini promotion canapé alléguée. Puisque, en fait, d'abord, j'observe une chose. C'est que il y aurait comme ça jusqu'à pratiquement 70 femmes qui se seraient senties harcelées. Bon, c'est subjectif. J'observe qu'il n'y a pas d'accusation de viol, par exemple. Il n'y a pas d'accusation de relations sexuelles forcées et contraintes en échange d'un service, par exemple. Vous voyez, oui, et puis c'est quand même un comble que dans une fac de droit, on n'arrive pas à définir un terme enfin aussi précis qui s'appelle le harcèlement. Harceler, harceler, c'est quand même insister lourdement et puis envoyer des messages jusqu'à saturation. Non, mais c'est indéfinissable, le harcèlement sexuel, si tu veux. Parce que quand tu regardes les termes de la définition du harcèlement, aujourd'hui, si tu veux, c'est le principe même aujourd'hui de draguer une fille devient du harcèlement, si tu veux. Et je crois que c'est ça qui en fait est en jeu. Oui, bien sûr. C'est qu'en fait, on est vraiment dans une phase où, enfin, moi, je vois le processus. Parce que pourquoi la presse en fait des tonnes là-dessus ? Je veux dire, c'est pas anodin. Je veux dire, des gars qui sont un peu des chauds lapins. Bon, ça existe plus la nuit des temps, on le sait. Est-ce qu'il y en a qui sont lourdingues ? C'est évident. Bon, c'est pas nouveau. Là, j'ai l'impression qu'on fait mine de découvrir la lune, quoi. Est-ce que dans ce cas précis, ce type-là s'est livré aux choses qu'il a dites ? On n'en sait strictement rien. C'est des on-dit. Et il n'y a pas d'accusation grave d'abus sexuels manifestes, etc. Toutes les filles s'en tiennent. Ah oui, j'ai pas aimé la façon dont il m'a regardé. Etc. Bon, ça fait quand même un peu léger. Bon, ce que je vois, ce que j'observe, c'est que cette instrumentalisation, cette médiatisation voulue, participe du climat général qui, pour moi, vise à donner aux femmes le contrôle total de l'accès à la sexualité. C'est-à-dire qu'on arrive, on bascule dans le matriarcat. Oui, bien sûr. On arrive là-dedans. Définir entièrement les règles et les espaces de séduction pour qu'elles y soient évidemment totalement à leur aise et qu'elles en aient le contrôle total. Bah, c'est même pas le sexe. C'est-à-dire que le sexe devient simplement un moyen, c'est un outil politique de contrôle des hommes. Et donc, les hommes ne peuvent plus prendre d'initiative dans ce domaine-là. C'est l'intention sous-jacente. Hein, c'est du domaine de Caroline Fourest. Hein, je veux dire, c'est vraiment, voilà, les hommes n'ont pas accès aux femmes. Ce sont les femmes qui déterminent les règles de l'accès aux hommes. C'est dans une conquête de pouvoir politique. C'est très clair. C'est très clair. Bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles ne se plaignent jamais ou très rarement. Des nouvelles applications type Tinder qui en fait sont des applications où elles se font elles acceptent hein, de se faire harceler puisqu'elles reçoivent un nombre de sollicitations qui est juste extraordinaire. Il y a pareil un article alors, qui vient pas du Figaro de cette fois-ci et je l'ai lu, ça m'a fait marrer. C'est une journaliste qui pensait avoir parlé, matché avec une cinquantaine d'hommes en l'espace d'un an, je crois. Et finalement, elle a demandé ses statistiques à Tinder, puisque la CNIL permet d'avoir accès à toutes nos statistiques personnelles. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait tchatché avec 800. Voilà, donc il y a quand même un rapport de 1 à 16 entre ce qu'elle pensait avoir, avoir discuté avec 50 mecs. Finalement, non, c'est 800. Donc, ces nanas acceptent parfaitement de se faire harceler virtuellement sur ces réseaux parce que ça ne leur apporte finalement que de l'attention, chose qu'elles recherchent évidemment parce que c'est bénéfique pour l'ego. Par contre, hors de cet espace virtuel, quand on arrive dans le domaine réel, là non, ça ne les intéresse absolument plus de se faire harceler, ce qui est compréhensible. Hein. C'est parfaitement compréhensible parce qu'elles veulent contrôler et de quelque part dominer les rapports de séduction. C'est ça. C'est ce qui les intéresse. Et dans une optique politique, hein, je veux dire dans une optique politique, parce que c'est étroitement lié. Enfin, la question de la séduction et du rapport et des rapports sexuels est étroitement liée au statut social. Hein. On lui reproche d'avoir un statut. C'est très clair. Hein, je veux dire. Voilà. Donc on l'accuse d'avoir abusé de son statut pour avoir des relations sexuelles. Hein. Et qu'est-ce qu'elles disent de manière implicite, c'est que c'est elles qui veulent un statut en contrôlant la libido des mecs. Voilà. Bien sûr. C'est ça qui est dit. C'est-à-dire que c'est le matriarcat, c'est ce que je disais. Voilà, c'est ça qu'elles veulent. Oui. Et en fait, il y a un truc qui est en train de se dessiner, à mon avis. C'est une forme de néo-puritanisme, mais féminin, qui vise à castrer les hommes. Oui, tout en sachant que ce chargé de TD, comme il n'existe des milliers en France, il sera très facilement remplaçable. Mais il sera certainement pas remplaçable par un alter ego. Hein. On prendra très certainement une nana Ouais. qui s'est déjà spécialisée dans je ne sais quelle étude bizarre sur le droit des femmes et qu'on fera un cours de sensibilisation. Bah, c'est déjà dans l'article hein, d'ailleurs, sur le harcèlement ou je ne sais quelle connerie dans les facs. Et c'est Bah comme ça que moi il y a un petit truc, à petit tu vas avoir des chargés de droit féministes. Enfin, des chargés de TD en droit féministe, et puis petit à petit, des profs de droit totalement LGBT, quoi. Moi, je me demande comment ça va évoluer dans les années qui viennent, en sachant qu'on a de plus en plus donc de mâles maghrébins ou africains qui sont extrêmement agressifs sexuellement, sont extrêmement dominateurs, qui ne peuvent pas tolérer, je veux dire, qu'une femme les réprimande ou prétende, j'allais dire, borner leur sexualité, pour même pas parler de leur autorité dans l'espace public. Comment ça va se télescoper avec ce féminisme de plus en plus agressif qui découle de l'effacement des hommes blancs? Moi, je suis curieux de voir ça, parce que j'entends des trucs, je veux dire, le harcèlement de rue, on sait très bien que le harcèlement de rue, concrètement, ça concerne essentiellement des mâles afro-maghrébins. Donc, je vois des thématiques comme ça qui surgissent, où en fait, ce que ces bonnes femmes ont en tête, c'est le mâle blanc, et pratique, ce sont des mâles basanés. Donc, je ne vois pas exactement où ça va. Je m'interroge, mais pour moi, les chances de succès de ces bonnes femmes complètement tarées est proche de zéro, parce que dans cet environnement racial et ethnique-là, ça me paraît quand même assez compromis, hein. Ça me paraît assez compromis. C'est-à-dire Ouais, que mais t'as... soit ils se Vas-y, prennent des baffes par leur bougnoule, soit ils se font bourrer le cul par leur bougnoule. Donc de toute façon, la race blanche est perdante. Je vous renvoie au courrier des lecteurs qu'on a eu il y a quelques semaines avec dans un département d'informatique avec la responsable RH qui se faisait défoncer la rondelle par l'oncle et par le neveu bougnoulique. ouais, les deux, ouais. Deux, ouais. Tu vois, dans la question de l'intersectionnalité, là, ces étudiantes qui s'amusent à cumuler les points de victimisation, elles font ça entre femmes, hein, globalement. Parce que je pense que chez les hommes, cumuler les points de victimisation, c'est quand même pas très reluisant, c'est pas très sexy, c'est pas très bon pour l'ego. Mais dans cette forme de compétition de victimisation, derrière se cache la question de la compétition sexuelle. Parce que je pense qu'elles se les ces femmes-là se reluquent hein, en permanence et je pense qu'il y a une haine il y a à la fois une haine et un sadisme qui vient de la part des afro-féministes, on va dire. Et de l'autre côté, tu as son corollaire, qui est le masochisme et la haine de soi des blanches, qui effectivement admettent ne pas être autant victimes que leurs consœurs, mais je pense que ce que les premières reprochent aux secondes, c'est de piquer leur mâle. Je pense que Ah c'est oui, ça ça surtout c'est certain, en ça c'est priorité. certain, ça c'est certain, oui. Ah oui, ça c'est un... Ah oui, tout à fait, oui. Non mais ce qu'on voit en fait, c'est vraiment la coalition des haines en fait, la coalition du ressentiment. Et c'est toujours... Enfin, et c'est l'homme blanc qui est ciblé, quoi. Alors je sais pas si dans ce cas précis d'ailleurs c'était un mâle blanc, on n'en sait rien après tout, hein, on sait pas. J'ai tendance à le penser, ceci étant dit, vu Ah, la ça en libéralité avec général, laquelle il l'accuse. oui, bah Oui, ça, bon, quand même. mais bon, mais en tout cas, enfin, l'indication, ce que laisse transpirer l'article, c'est vraiment, moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est vrai, on va vers la criminalisation de la drague. Hein. Ouais, et c'est un article du Figaro, C'est, hein, faut le répéter, hein, ça n'est pas de Libération. oui. Moi, je pense qu'on va vers la criminalisation de la drague, qui veut dire à terme, ça va rentrer dans la législation. C'est-à-dire que ce qui sera qualifié de harcèlement, en fait, ça correspondra à ce qu'on appelle la drague, quoi. Et il m'a dit qu'il me trouvait joli et qu'il voulait qu'on aille boire un verre, ce à quoi j'ai répondu non. Voilà, ça c'est du Voilà. harcèlement. Bon. Je sais pas. Ah, hein, mais ça... Non, mais c'est hallucinant quand même. Alors qu'il m'a complimenté sur ma tenue et m'a dit qu'elle m'allait à ravir. J'étais vraiment mal. Putain, franchement, quoi. La nana qui, à mon avis, se doit recevoir je ne sais combien de dick pics de métèques sur Tinder, qui se dit j'étais vraiment mal parce qu'un type lui a dit qu'elle était jolie. Non, mais... Ah là là, vraiment. Qui veut rajouter quelque chose? Non, mais c'est la question de la promotion canapé, quoi. Je veux dire, qui n'est pas en jeu là. Hein, le c'est pas avéré en plus. Hein. Mais je veux dire, il y a des gens là qui y a des femmes là qui essayent de s'en tirer à fond. Non, mais enfin, tu sais pourquoi? Enfin, je sais pas pourquoi. Non, je sais pas pourquoi il s'est fait gauler. Bah pourquoi? Parce que sûrement que le gars était honnête. Il a pas mis des notes. Surélevé à oui. Ses nanas, quoi, c'est tout. Voilà, oui, c'est... Oui. S'il avait fait ce pourquoi en fait elles y allaient, c'est-à-dire que bon, pour elles, c'était elles vendaient leur cul pour avoir des notes, des meilleures notes. Malheureusement, c'était pas le cas, donc il faut se venger. Alors, il l'aurait fait, ce sont celles qu'il aurait laissées de côté qui seraient vengées, tu vois. Je veux dire, il m'a pas trouvé assez belle, tu vois, c'est terrible, ça. Non, mais même celles qui se sont fait baiser, quoi. C'est-à-dire que manifestement, il leur a pas mis des meilleures notes qu'aux autres. Et moi, je serais pas étonné qu'au point de départ, alors là, c'est une pure supputation de ma part. Hein. Je serais pas étonné qu'au point de départ, en fait, ça soit de la jalousie féminine entre des anciennes conquêtes ou voilà, avec des nouvelles conquêtes, une subodorant que. La nouvelle conquête a obtenu des faveurs au plan des notes, machin, et voilà, et il se venge en accusant d'avoir été. C'est-à-dire qu'il est possible que ce soit des tensions entre femmes qui aient finalement rejailli sur lui, mais qu'il n'en était pas vraiment, qu'il n'est pas vraiment la cible première. C'est pas du tout. C'est plus que probable. Hein. C'est plus que probable, ouais, je le crois. Donc voilà, bon bah ça. Alors mais n'empêche que tout ça, concrètement, ça crée des climats absolument horribles. Hein. C'est-à-dire que imaginez-vous quoi. Moi en plus, je sais pas imaginer ce que c'est aujourd'hui en milieu professionnel. Vu le climat de terreur qu'ont voulu à dessein entretenir les médias juifs, parce que c'est eux qui ont fait les grandes campagnes là-dessus, hein, MeToo et compagnie, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que n'importe quelle greluche peut accuser XY de harcèlement sexuel. Vous avez vu ce que c'est la définition du harcèlement. Hein. Alors, il m'a dit que j'avais une jolie robe. D'accord. Donc, dans ce contexte-là, imaginez avoir des collègues féminines. Vous êtes au boulot, vous avez des femmes avec vous. Qu'est-ce qui vous dit que demain, elle va pas raconter n'importe quoi à votre sujet, qu'elle n'est pas déjà en train de le faire sur les réseaux sociaux à des copines, etc., créant des espèces de bruits qui court dans votre entreprise à votre sujet, juste pour se venger, et sur la base de rien. Sur la base de rien. Bah, c'est déjà le cas. Et voilà. Donc, je veux dire, et le problème, c'est que ça peut se terminer en licenciement, des trucs comme ça. Parce que, vous avez vu, il n'y a plus besoin que ce soit avéré. Vous avez vu ces campagnes qui sont organisées comme ça. Il suffit que ça sorte dans la presse. Ça peut être la presse locale. Ça peut être... un post sur Facebook, c'est-à-dire voilà, un post qui sort sur Facebook, j'en ai plus qu'assez, et tout d'un coup, il y a 4, 5, 6, 7 nanas de la même entreprise qui like, qui commente, ça crée un effet d'entraînement, et ça fait un bad buzz, et là, l'entreprise dit, bon, bah, on peut pas garder le mec, etc. Et comme c'est une accusation soit de harcèlement sexuel ou quelque chose d'équivalent, bah, au prud'homme, ça tiendra jamais la marée, je veux dire, le mec aura forcément tort, quoi. Le mec qui se revient, vous voyez, ça crée un climat de terrorisme ambiant qui est absolument incroyable. Et encore une fois, c'est le mec à tort. Ouais, et puis attention, les cabales privées que les femmes font généralement par SMS. Hein. C'est même pas sur les réseaux. Ouais. Sur les réseaux, c'est par SMS. Ça peut aller très très loin. Elles créent des égrégores en entreprise. Et ça, c'est. On en a parlé il y a deux émissions précédentes. C'est terrible. Les rumeurs que les nanas se lancent. Généralement, ça part entre elles. Hein. C'est des problèmes de jalousie. Oui, oui. Et ça infecte comme ça toute l'entreprise ou tout le milieu de travail. C'est quand même globalement des trucs de gonzesse. Hein. Alors, il y a des mecs qui s'y collent. Hein. Mais bon, regardez pourquoi les nanas ont leur. Elles passent leur vie avec leur téléphone. Posez-vous la question de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'elles y font? Qu'est-ce qu'elles écrivent? Bah, le truc qui est insupportable, c'est que certaines d'entre elles, bon, pas toutes les femmes, mais que certaines d'entre elles sont des putes et n'assument pas le fait d'être des putes, quoi. Bah, c'est ça, hein. Je veux dire, c'est le... pourquoi elles se mettent elles se disent contre le slut-shaming. Oui, oui, oui, oui. Alors, ah, le slut-shaming, traduit un peu le slut-shaming. Oh, bah, slut-shaming, c'est le dénigrement de la salope. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est faire shame, honte. C'est faire plutôt honte, ouais. Oui, voilà. Faire honte aux femmes qui se comportent comme des salopes, voilà. Alors que déjà, c'est un comportement qui est quand même féminin, hein, parce que ce sont les premières à s'insulter de salopes entre elles. Mm. Mais c'est, j'ai le droit d'être une salope, je revendique d'être une salope, mais en aucun cas, tu as le droit de me considérer comme une salope. Oui, parce que il faudrait pas que sa valeur sur le marché c'est ça. Des relations hein, avec les hommes soit rabaissée. Hein. Ça ne serait pas... ce n'est pas comme ça qu'on fait la société. Non, en fait c'est que ce qu'on appelle les salopes, elles donnent aux hommes ce que les hommes veulent, c'est-à-dire, quand on est jeune... que du sexe, mais même un peu plus tard. Alors qu'en fait, au départ, les femmes troquaient le sexe contre le mariage. Parce qu'en fait, les gens ont lutté pour le divorce, ont cassé la famille, le mariage et tout. Mais il faut bien comprendre qu'au départ, le mariage, c'est aussi une façon pour les femmes de se protéger. C'est-à-dire que, oui, je couche avec toi, mais en contrepartie, on se marie, c'est pour la vie. Et tu prends droit sein de moi jusqu'au bout, même quand je serai plus belle, plus jeune, plus désirable. Et toi, tu pourras pas piner, ou si tu le fais en tout cas, il n'y a que moi qui légalement ai des droits, et nos enfants. Et c'était ça aussi le slut-shaming, parce que les salopes faisaient baisser sur le marché du sexe la valeur des femmes qui, elles, refusaient de coucher sans contrepartie. Alors... Je propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Signore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi dà calore, mi d Nous revoici pour cette émission de démocratie participative, saison numéro 4, épisode 16. Deuxième partie consacrée, actualité oblige, à l'incendie de Notre-Dame et ses conséquences. Oui, il y a quand même toute une série de conséquences qui méritent qu'on s'y attarde, indubitablement. Alors, je vais commencer cette discussion thématique de la semaine, simplement sur l'incendie en lui-même. Voilà, je vais vraiment faire le tour de la table. Alors, c'est vrai, ça va être un peu le café du commerce. Hein. Je veux dire, ici, il n'y a pas d'experts. Enfin, je crois pas. Il me semble pas qu'il y ait d'experts en construction ou de sécurité incendie ou autre. Donc, évidemment, c'est simplement voilà, hein, une opinion parmi d'autres. Enfin, ça vaut le coup de s'y arrêter. Donc, je vous demande tout de suite votre réaction, quoi. Face aux images, quoi. Hein, je veux dire, tout d'un coup, là, Notre-Dame en flammes. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Moi, j'ai la conviction que rien n'est éternel. Rien. C'est une question de thermodynamique, de physique. Tout corps est soumis à l'entropie. Et je suis inquiet de voir que la nation française et plus globalement la civilisation européenne ne vivent qu'à travers de son patrimoine. Je ne dis pas que le patrimoine n'est pas important, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que la conscience historique d'un peuple est importante, c'est fondamental. Je ne dis pas qu'elle n'est pas attaquée, bien au contraire. Mais à partir du moment que tu ne vois qu'uniquement les choses à travers le passé et non pas à travers le futur, à partir du moment où tu vois les choses à travers la conservation et non pas à travers la construction, eh bien, tôt ou tard, les choses tombent en poussière ou brûlent de façon accidentelle, bien que je ne pense pas qu'il s'agisse d'un événement accidentel. On y reviendra, mais l'espèce de facilité avec lesquelles les médias et les politiques ont exclu la question criminelle, alors qu'il y a eu, il y a ces quelques jours, ces quelques semaines, et même en ce moment, puisque il y a une tentative d'incendie criminel dans une église dans le sud, ces derniers jours, après l'incendie, tout ça a été évacué, et je trouve ça hautement suspect. Voilà les seules choses que je pourrais dire sur l'incendie de Notre-Dame, qui, je le répète, est tragique. Qui d'autre sur l'incendie en lui-même? Moi, enfin, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est dire bon, signe de ce qui est devenu Paris, c'est-à-dire, en tout cas certaines parties, hein, des nègres absolument partout, la sodomie au pouvoir avec Anne Hidalgo et compagnie. Alors bon, après, que ce soit accidentel ou pas, je ne sais pas. Par contre, au niveau de l'incompétence, oui, je pense que on va en arriver là. Tu ne peux pas avoir, tu peux pas garder un niveau d'excellence en tout point, notamment sur la gestion de ton, de tes biens, hein, de l'immobilier ou autre. En étant tout le temps dans la fuite vers le grand n'importe quoi. Là, l'incident, je n'y crois pas non plus, c'est de la blague. On peut guère dire plus, parce que, bon, comme tu l'as dit, je ne suis pas un spécialiste de la question. Pour le cas de Notre-Dame, tout le monde le sait, elle a pris en physique, pour qu'il y ait une flamme, il faut du carburant, donc dans ce cas, les poutres de chêne, du comburant, l'oxygène, enfin le dioxygène, et puis surtout un point de chaleur. Et le point de chaleur, il se crée pas à partir de rien. La question, c'est qu'est-ce qui a amené le point de chaleur? Et pour moi, le point de chaleur, si tu veux, l'histoire d'un court-circuit, ça me paraît hautement improbable. Oui, peut-être qu'un court-circuit amène un petit peu de chaleur. Et sauf si le court-circuit enflamme un gros tas de bois qui va permettre de créer la chaleur, jamais tu brûleras une poutre en chêne. Effectivement, n'importe quelle personne qui a eu un insert ou une cheminée dans sa vie le sait. Si tu mets un briquet en dessous de ta poutre en chêne, elle va pas brûler. Hein, il faut que tu brûles du petit bois avant. Il faut que tu brûles autre chose pour amener le point de chaleur. Et là, visiblement, il n'y a rien. Mais ça, à la limite, c'est des considérations techniques. Et moi, pauvre Kidam, qui dit ça sur une émission internet, faut être honnête, j'ai aucune légitimité. Ce qui me met entre guillemets, la puce à l'oreille, c'est la vitesse et l'acharnement avec lesquels les médias et les politiques ont exclu la piste criminelle alors qu'ils en avaient aucune preuve. Ils n'ont aucune preuve de l'inanité de l'hypothèse criminelle. Ils n'en savent rien. Mais non, non, on l'exclut. On l'exclut. On ne sait rien passé. On ne sait rien. Mais on est certain d'une chose, ce n'est pas criminel. Il y a des églises qui sont en train de cramer à droite à gauche. Celle dont je parlais tout à l'heure, c'est Notre-Dame de Grâce. Il y a eu des tentatives d'incendie, il y a eu des intrusions, parce qu'évidemment, quand tu un monument comme ça, ça se grimpe, hein, c'est un petit peu la mode, tu vois, il y a des ados qui grimpent, qui profitent notamment des échafaudages pour se prendre pour faire des selfies en haut de ces bâtiments. Non, toutes ces pistes sont ignorées. Il y a aussi l'hypothèse d'un drone. Après tout, un drone, je pense, était capable techniquement d'allumer un feu à partir de l'extérieur. Ça me semble pas hautement improbable. Non, tout ça est évacué et avec une forme d'acharnement qui me laisse pantois. Voilà. D'autant plus que si l'on n'a pas démontré une quelconque thèse d'attentat, on n'a pas non plus démontré une quelconque thèse d'accident. On n'explique pas l'accident. Oui, bah, en l'état, il n'y a pas d'explication. Hein. Et d'ailleurs, ils le disent, on ne trouvera peut-être jamais l'explication. Et comment dire ça, mais je suis d'accord avec ce qu'a dit MacDav, c'est l'attitude des médias est très suspecte. Pourquoi, dans l'heure qui suit la déclaration de l'incendie général, a-t-on des médias qui, péremptoirement, à la suite d'ailleurs du gouvernement ou parallèlement au gouvernement, martèlent que c'est accidentel? Ils n'en savent rien. C'est seule une enquête très approfondie peut déterminer l'origine du sinistre. Or, a priori, est décrété comme conspirationniste la piste criminelle. Mais écoutez, quand vous lisez dans la presse régionale ou la presse locale qu'il y a un incendie qui s'est déclaré dans un bâtiment d'une certaine ampleur, hein, comment dirais-je, un immeuble, un hangar ou autre, qu'est-ce que vous lisez comme première réaction dans l'article? Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer l'origine du sinistre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour savoir si c'est d'origine criminelle ou non. C'est-à-dire qu'a priori, à chaque fois qu'un sinistre a lieu, une enquête est ouverte pour savoir si oui ou non c'est accidentel. Bon. Et là, non. Là, non. Bon. Très suspect. Alors, il y a peut-être des motivations derrière ça. Ils ont peut-être justement très peur que ça soit le cas, et que si d'aventure c'était le cas, il faudrait surtout pas que ça se sache. C'est tout à fait possible. Bon, mais là, c'est des supputations, on n'en sait rien. L'incendie en lui-même, spectaculaire, très rapide, hein, transformant quand même un monument de cette dimension en torche, devant les caméras du monde entier pour le coup, avec évidemment le point d'orgue qui est la flèche qui s'effondre. Tout ça est très spectaculaire. Il y avait un côté un peu irréel, je trouve, dans les images qui étaient sur les, enfin, qu'on voyait un petit peu partout. Bon, mais moi j'insiste. Pour moi, l'hypothèse de l'accident me paraît assez peu probable. Et en fait, il suffit d'écouter les réactions des experts. Notamment, il y en a un qui, comme l'a bien cité d'ailleurs Captain, a été architecte pendant plusieurs années sur Notre-Dame de Paris. Il était en charge en fait des travaux, connaissant très bien les lieux, connaissant la charpente, lui-même ne pouvant pas dire que c'était criminel, mais expliquer qu'il était techniquement, pour ainsi dire, impossible que ce soit accidentel compte tenu des normes très nombreuses à respecter pour un tel monument, parce que c'est Notre-Dame de Paris, donc ça veut dire que c'est un monument classé, extrêmement visité, donc avec beaucoup de passages, avec beaucoup d'obligations techniques pour éviter précisément des accidents dans un lieu extrêmement fréquenté. Il y a quand même, je crois, pratiquement 13 ou 14 millions de personnes qui visitent la cathédrale tous les ans, c'est-à-dire que c'est des dizaines et des dizaines de milliers de gens chaque jour. Un bâtiment comme ça est hyper sécurisé, fatalement. Et oui, la sécurité n'est pas uniquement celle d'un bâtiment historique, elle est celle d'un bâtiment recevant du public. Oui. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont préposés, un petit peu comme quand vous rentrez dans un bâtiment public, à l'entrée vous avez un type qui s'occupe de la sécurité incendie. que ce soit une c'est bibliothèque ça, c'est ça. Ou mais là ils étaient, je crois qu'il y avait plusieurs préposés aux incendies qui étaient chargés de rendre alors, sur les lieux directement après que les incendies aient sonné. Alors il y a le Parisien a fait un papier là-dessus. Il y avait en fait deux personnes qui étaient chargées de surveiller en permanence la cathédrale derrière tout un enfin vous voyez dans une salle spéciale avec enfin qui contrôlait tous les dispositifs d'alarme incendie, de détection, de début d'incendie. Ils ont fonctionné. Ils ont fonctionné. Donc l'alarme a sonné, ils se sont rendus sur le toit. Paraît-il qu'il aurait, il pourrait y avoir eu, ça c'est ce qu'ils disent, une erreur du système sur la localisation exacte de l'incendie. Bon, ça c'est ce qu'ils disent. Mais c'est simplement une piste, hein, c'est pas une affirmation. Ils disent c'est une piste. Voilà. Mais il y a bien eu une détection. Alors c'est problématique, puisque c'est précisément ce qui est dit. C'est-à-dire que le système incendie a bien détecté le départ de feu. Les personnels se sont rendus sur le toit, et là, ont constaté, dixit, la présence d'un foyer avec des flammes atteignant environ 2-3 mètres. Déjà. Donc, entre le temps de détection et de telles flammes, il y a quelque chose qui colle pas. C'est-à-dire que ça va très vite, quoi. C'est, voilà, le foyer part, et il part très vite, et c'est très rapide ensuite, quoi. Bon. Voilà. Bon, alors, on va pas se substituer aux experts, mais bon, genre, il y a des images, hein, où on voit, en fait, il y a deux fumées qui... Alors, au bout d'un moment, elles se mélangent, mais au départ, elles ne se mélangent pas. Je sais pas si vous avez vu ça. Il y a une colonne de fumée très jaune, et une colonne de fumée, on va dire, plus blanche, plus normale, et... Je dois dire que c'est assez curieux, ouais. Bon, je suis pas un spécialiste du tout, évidemment, vous le savez. Mais je dois dire que c'est un fait. Ça, c'est... Alors peut-être que quelqu'un va nous dire « Non, non, mais c'est normal, quand une toiture brûle de ce type, il y a tel ou tel truc. » C'est possible, hein, je ne sais pas. Mais c'est un fait qu'il y avait quelque chose comme ça, une espèce de grande colonne de fumée, comme ça, tout à fait impressionnant. Alors, donc, en tout cas, la question est ouverte, ça c'est entendu, mais elle ne l'est pas pour les autorités et elle ne l'est pas pour la presse. Bon. Voilà. Maintenant, évidemment, on va pas inventer des théories sans éléments. Enfin bon, voilà. Le doute est très très largement permis. Et après, chacun a ses convictions. Hein. Alors deuxième point, c'est l'attitude du Premier ministre Édouard Philippe le jour même. Hein, c'est le 17 avril. Alors enfin deux jours après les fêtes, prend la parole. Et voici ce qu'il dit. Il fait une conférence de presse et c'est répercuté sur Twitter, son compte Twitter officiel. Faut-il reconstruire une flèche ? À l'identique ? Adaptée aux techniques et aux enjeux de notre époque ? Un concours international d'architecture portant sur la reconstruction de la flèche de la cathédrale sera organisé. Et là, va commencer toute une discussion, après cette annonce, de la façon dont on va reconstruire Notre-Dame. Alors Notre-Dame n'est pas détruite, hein, les murs sont debout, voilà. Mais bon, il faut reconstruire en fait, il y aura des travaux très lourds à faire sur la structure en elle-même, mais disons que ce qui sera le plus apparent comme travaux sera la charpente et le toit, et la fameuse flèche. Et on nous fait savoir que visiblement, la porte est ouverte à des suggestions qui n'ont rien à voir avec le style traditionnel qui avait été celui choisi par Viollet-le-Duc, qui au XIXe siècle en fait avait rénové Notre-Dame de Paris en respectant le style gothique. Alors ça fait beaucoup discuter. Ça fait d'autant plus discuter que c'est très peu de temps après les fêtes, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas encore qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas qui a fait quoi, hop, on est déjà sur un concours. Il faut aller vite. Hein. Macron enchaîne, il donne 5 ans. Il dit voilà, en 5 ans, ça doit être réglé. Donc on ne sait pas pourquoi, on se retrouve dans une espèce de course contre la montre, d'ici 2024, tiens, et il faut que ça soit, que les travaux soient très avancés d'ici cette date, voire presque finis, a dit Macron. Bon, alors qu'est-ce que ça vous inspire, là, ce qui vient vraiment du gouvernement, pour le coup. Hein. Voilà, allez. On va reconstruire et on va faire du neuf. On va faire du neuf. Et là, l'imagination est au pouvoir. Oui, ça cramait encore. Hein. Quand ils ont... Oui, oui, ça... quand oui, ils oui. ont dit ça, ça cramait encore. Moi, j'ai eu une image, Macron, avec en arrière-plan la pyramide du Louvre. c'est l'image qui m'est venue instantanément à l'esprit, c'est non pas la reconstruction, mais la dénaturation. La fameuse flèche de Violette le Duc, qui date du 19e siècle, c'est dans un style néo-gothique. C'est donc une époque romantique où on essayait de reconstruire comme on l'a fait au Moyen-Âge. Il y a eu beaucoup de reconstructions. Les plus connues, c'est celle de Violette le Duc et celle de Félix Luban, qui est le plafond de la Sainte-Chapelle, qui a été reconstruite au 19e D'accord. siècle en respectant les normes de l'époque. Alors, c'est un peu plus fourni. C'est un peu plus, on va dire, baroque, dans le sens où c'est plus développé, où il y a plus de fioritures. L'exemple type, c'est la cathédrale d'Ostende, qui est très développée, qui ressemble d'ailleurs fortement à la flèche de Violette le Duc, qui était construite pareil au milieu du 19e. Mais on a voulu reconstruire la flèche qui s'est effondrée à la fin du 18e siècle, qu'on a même démontée parce qu'elle ne tenait plus debout. Et qui lui ressemblait quand même énormément. D'ailleurs, quand vous regardez les vieilles photos, vous voyez bien que la flèche, on voit bien qu'elle a été rajoutée, mais quelque part, ça y ressemble. Ça y ressemble quand même beaucoup. Elle est moins... C'est pas la même dentelle, on va dire. C'est plus fourni. Moi, ce que je crains, c'est que, premièrement, il va falloir reconstruire la flèche et la charpente, et la toiture donc, et qu'on fasse un truc façon... Jean Nouvel, bonjour. Façon Mitterrand, quoi. Ouais, Jean Nouvel ou... Jean Nouvel qui a manifesté son intérêt pour le chantier, d'ailleurs. Ouais. J'imagine bien le truc en verre totalement dégueulasse, alors que moi je pense qu'on est parfaitement capable de reconstruire dans un style qui respecte le gothique de l'époque, que ce soit de la deuxième flèche ou de la première. Alors, qui d'autre sur cet empressement, cette volonté d'aller vite? Oui, je pense que il y a des gens qui dormaient un petit peu là depuis un certain temps qui se sont tout à coup sentis frétillés comme des gardons. Les francs-marques, hein, pour ne pas les citer. Oui, Je pensais très fort aux formations. Voilà, donc le grand concours international alors que le machin est déjà en train de brûler, bon. C'est. J'entendais presque les cris de. Presque les hurrahs, hein. Bon, je. Ah oui, dire, oui, oui. Ouais, mais je sens qu'on s'est masturbé en loge. Ah, exactement. Oui, je crois que c'est très clair. Bah oui, parce que, alors, justement, je me permettrai quand même de citer la réaction du Grand Orient de France, très similaire d'ailleurs à celle de certaines personnes d'origine juive, comme Bernard-Henri Lévy et d'autres. On va venir sur la réaction des Juifs. Mais avec des références au temple, à la construction, à la maçonnerie, enfin, je veux dire, maçonnerie, là, pour le coup, pas franc-maçonnerie, mais donc la maçonnerie, le fait de construire, mais utilisé par des gens qui sont des maçons notoires, donc on voyait bien qu'ils étaient sur un langage un peu codé. Concours international, bon, il me semble, ouais. Plutôt que, justement, Notre-Dame de Paris a un caractère national au sens de français du terme. Ouais, si c'est la plus longue tradition de la France, et soudainement ça doit devenir quelque chose qui doit être un objet international. Voilà, dans les villes un petit peu patrimoine historique, etc., tu veux faire des travaux chez toi ou n'importe quoi, repeindre, mettre, changer des fenêtres ou quoi que ce soit, il faut que tu aies l'accord des architectes, monuments historiques, oui. etc., etc. Là, non, les mecs des monuments historiques ont obligation de fermer leur gueule devant les journalistes. Ils n'ont plus le droit de répondre. C'est assez exceptionnel. Hein. Ils sont écartés. Tu vois, c'est vraiment chasse gardée. Ils ont décidé. Il y a des gens qui ont envie de saccager le truc. Quoi. Je crois qu'il faut quand même nommer les choses. C'est Emmanuel Macron et ceux qui sont derrière Emmanuel Macron. Oui, Parce que c'est de ce niveau d'autorité-là hein, dont on parle. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bah oui, pour écarter tout le monde comme ça, à toute vitesse, oui, Macron a su les... Voilà, pendant que le truc brûlait, dire « voilà, oh. Hein, ils exultaient, les autres. Hein. Voilà, surtout qu'il y a des experts, hein, ça, c'est... la question de la rénovation des monuments historiques, y a les savoir-faire, c'est ultra codifié. Hein. C'est des mecs qui sont formés pendant quasiment une dizaine d'années. On en manque d'ailleurs. On n'arrive plus à former les types parce que vu qu'on fait plus que de la rénovation, bah forcément, les types sont ultra demandés. Hein. C'est d'ailleurs c'est un petit peu des seigneurs hein, quand ils sont respectés dans leur domaine parce qu'ils sont très bien payés. Mais on les trouve plus, ces mecs-là. On les trouve plus et on peut rien faire sans leur accord. Et quand ils prennent une décision, elle est longuement et mûrement réfléchie. T'as des conseils, t'as des conciliabules d'experts dans le patrimoine. Ça prend beaucoup de temps, tout ça. Alors, je voulais faire observer un truc, juste pour comparer. Hein. Imaginez demain, à Kyoto, un des plus grands temples Shinto serait dévasté par les flammes. Premier réflexe des autorités japonaises, lancer un grand concours international pour reconstruire un nouveau temple, mais d'un style nouveau et en phase avec l'ère moderne. Bon, tout le monde tomberait de sa chaise en disant « mais qu'est-ce qui leur arrive ?» Qu'est-ce qu'offraient les Japonais en pareil cas ? Ben, ils solliciteraient leurs meilleurs architectes, leurs plus grands spécialistes, des historiens, etc. Bon, alors comment on peut reconstruire à l'identique, etc. Bon. En France, d'après les plus hautes autorités, on ne va pas mobiliser pour un des monuments les plus emblématiques hein, de non seulement du patrimoine, mais de l'art, et aussi dans une certaine mesure de l'artisanat français, les meilleurs travailleurs français, les meilleurs ouvriers français, les meilleurs architectes, non pas du tout. On fait un truc international qui, évidemment, va être, ça me paraît tout à fait clair, l'objet de tractations financières dont on ne saura jamais le détail, mais qui, à mon avis, sera bien négocié par les autorités politiques en place. Ça me paraît évident. Celui qui décroche ce chantier peut dire « j'ai refait Notre-Dame de Paris ». D'accord ? Bon, ça va se vendre tout ça. Hein. Ça va se vendre. Hein. Donc quand vous dites international, ça veut dire appel d'offres international, ça veut dire argent sonnant et trébuchant. Voilà ce que ça veut dire. Pour commencer. Donc évidemment... si vous ouvrez un tel chantier à l'international, bah oui, là, aussi bons soient les artisans français, évidemment, ils ne peuvent pas tenir la marée, puisqu'ils n'ont pas d'argent à proposer, juste du savoir-faire. Mais ce n'est pas ce qui intéresse Macron et sa clique. Hein, ça me paraît clair. Bon, même s'il y a une démarche derrière, hein, y a autre chose derrière, y a pas juste que l'histoire du pognon, mais ça commence par ça. Alors, du coup, ça a déclenché des réactions. En plus des autorités politiques, donc. On va peut-être s'arrêter brièvement sur les Français musulmans, hein, qui ont, je crois, pu quand même donner un petit peu hein, leur sentiment sur cet événement. Alors, je suis très frappé, parce que moi, sur Facebook, sur les lives, etc., Al Jazeera, j'ai vu des réactions de musulmans assez claires. Hein, parce que, vous savez, il y a eu cette histoire où il y avait un jeune qui avait fait un tweet, un Français qui avait fait un tweet sur la Mecque, vous savez, et il avait dit un truc, je crois, du genre, il y a du monde in the box, je crois, un truc comme ça, avec une photo de la Mecque et avec les gens qui prient autour, donc c'était un petit jeu de mots, et ça avait beaucoup tourné, et donc c'était un trait d'humour sur Twitter. Hein. Et il faisait référence à un jeu de télé-réalité, apparemment. Voilà, c'est ça. Et il y a eu toute une série de réactions après le départ d'incendie de Notre-Dame, de musulmans, De gens qui voulaient le tuer, c'est-à-dire qui étaient à dire bon mais là, il est dans tel collège, c'est un collégien quoi. Ah oui, il y a une espèce de fatwa qui a été oui. C'est pas un responsable d'extrême droite ou autre, on pourrait dire bon il a cherché un petit peu. Non, c'est un kidam. C'est un gamin. C'est un gamin qui avait fait un trait d'humour, voilà. Non mais ce que je veux dire, c'est que donc oui effectivement il a déjà été menacé de mort, mais ensuite quand l'incendie s'est déclaré à Notre-Dame de Paris, ces musulmans qui étaient restés sur cette affaire d'il y a quelques jours, de mots malencontreux apparemment, d'après eux, sur la Mecque, alors qu'il n'y avait pas d'insulte, hein, c'était juste un jeu de mots, on y ont vu la main d'Allah. Hein, ils ont vu la main d'Allah. Je vais peut-être lire quelques réactions pour quand même pour que on sache un peu de quoi on parle. Je vais vous en lire brièvement pour que quand même nos auditeurs plongent un petit peu dans la dans ces mentalités qui nous échappent un peu. Alors, première réaction, j'ai pas le nom, c'est oui, Al-Mutahana. Bon, voilà. Il se moque de la Kaaba, donc c'est la pierre noire hein, de la Mecque, sur Twitter, et Allah brûle leur cathédrale après quelques heures. Voilà. Perle Noire, qui de son vrai nom s'appelle Rewaran. Un jour vous moquez de l'islam, l'autre jour vos églises brûlent, Allah est grand. J'ai Wassim qui fait un tweet en disant « Allah est très puissant !» en faisant une référence donc à ce jeune qui avait fait ce trait d'humour et en collant des photos de la cathédrale en flammes. Y a Malek qui dit « Subhanallah, je sais, ça n'a rien à voir, mais tout le monde se moquait de la Mecque, etc. Et deux jours après, comme par hasard, Notre-Dame brûle. À votre avis, c'est fait exprès ?» Il y a un certain Yassine quelque chose. Vous vous êtes moqué de la Mecque en faisant vos montages à la con toute la journée, et là vous pleurez pour Notre-Dame. Une autre, Zinda, Notre-Dame de Paris, c'est le karma pour les propos sur la Mecque. Nasco, du Maroc. Enfin, il est en France, hein, mais c'est un Marocain. C'est comment ceux qui faisaient leur petit montage sur la Mecque? On en parle de la chicha Notre-Dame ou c'est bon? Sabrina, hein, c'est dans ces moments où on ne ressent quasiment rien en voyant brûler un monument qu'on sait qu'on n'est pas intégré tout à fait correctement, dit-elle sur un ton ironique. Je pourrais continuer comme ça longtemps. C'est un déferlement, de jubilation devant Notre-Dame en feu. Effectivement, comme le dit Sabrina Waz, donc que j'ai cité, une intégration partiellement réussie. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire de ces réactions? Donc, d'ailleurs, qui n'ont pas été très relayées par les médias. Hein. Moi, j'ai même vu à un moment donné, je crois que c'est sur CNews ou je sais plus où, BFM, ils ont quand même réussi à trouver une voilée pour lui faire dire qu'elle était très triste de voir la cathédrale en flammes. Ouais, ouais. Non, mais en fait, le peu de fois on a parlé, pour eux, c'est uniquement des réactions totalement isolées. Alors que non, pas du tout. En fait, il suffisait de voir les ratios de smiley choisis. Ouais, ouais. Et tu te rendais compte que non, en fait, sur 10 000 réactions, t'en avais 4 000, c'était plus que négatif. Et quand tu cliquais pour voir qui avait mis le smiley négatif, ou le smiley qui rigolait, quoi, bah c'était quoi? C'était du bougnoul à la chaîne, du bougnoul, du sale bougnoul, de la sale race du désert. Codin pulvérise et pulvérise la Kaaba, quoi. Il faut que la pulvérise. j'en peux plus de ces bougnouls. Ah, mais c'est terrible. Et il y a une réaction aussi d'une cadre de l'UNEF. Alors ça, c'est marrant. Oui. Tu vois, parce que l'UNEF, on est passé en l'espace de quelques années de la tafiole Bruno Julliard à des islamistes ouais, des beurrettes islamistes, ouais. Femmes hein, généralement, et des beurrettes islamisées intersectionnelles de mes couilles, et tout ça en l'espace de quoi, de 15 ans, parce que forcément ça, les oui, jeunes oui. générations 10 ans, même. Dans les jeunes générations tu vois le changement beaucoup plus rapidement que dans les vieilles, ouais. Ça va beaucoup plus vite. J'ai trouvé ça très très très marrant. Oui, le monstre s'échappe. Alors, donc là, c'était les sémites adeptes d'Allah qui ont vu la main vengeresse d'Allah pour venger le mauvais mot sur Twitter d'un jeune homme qui s'appelait Hugo, mais qui n'avait rien à voir avec Notre-Dame de Paris. Mais eux, ils voient un bloc. Donc visiblement, pour eux, si vous voulez. Il n'y a pas tellement de distinction. Hein. Voilà, un jeune Français fait une blague sur Twitter deux jours avant, Notre-Dame brûle, tout ça c'est la même chose. Hein. C'est la même chose, les mécréants, les chiens d'infidèles que sont les Français de souche, expient par la main d'Allah. Et vous allez me dire, bon d'accord, voilà pour les musulmans, en tout cas une partie d'entre eux qui a fait savoir ce qu'elle pensait, c'est rejoint par d'autres sémites, là je fais allusion plutôt aux juifs. Et vous allez voir qu'il y a un trait en commun, il y a un fil conducteur. Alors je vais commencer avec un certain Baruch, Marzel. Vous ne connaissez pas Baruch Marzel? C'est un juif d'Israël, un leader politique, qui vient récemment d'entrer en coalition avec Benjamin Netanyahou, qui a été réélu à la faveur des élections législatives récentes. Donc il va entrer dans la coalition gouvernementale de Benjamin Netanyahou. C'est quelqu'un qui est à la tête d'une organisation politique qui s'appelle Otzma Yehudit, et qui veut dire le pouvoir juif. C'est l'héritier politique d'un rabbin qui s'appelle Meir Kahane, qui est un rabbin... de ultra-nationaliste juif. Hein. Et donc, il a fait savoir dans un tweet que c'était la main de Yahvé. C'était la main de Yahvé. C'est ce qu'il dit, alors c'est une traduction approximative. Voici ce qu'elle nous dit. Donc hier, la célèbre cathédrale Notre-Dame de Paris, l'église en face de laquelle le Talmud a été incendié en 1200, a été ravagée par la flamme. Le Maharam, un juif connu, quoi, hein, de Rothenburg, a écrit ceci au sujet de la plainte du chalit brûlé par le feu, qui disait notamment, quoi, « Et je suis heureux que votre récompense vous soit retournée, souris avec une flamme et un feu, car cela vous sera béni, car à votre fin, le feu brûlera vos franges. » Ça paraît un peu obscur, mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez payer pour avoir brûlé le Talmud. Alors attendez, c'est pas terminé. Il y a 800 parce que ce n'est pas le seul. C'est pas terminé. Oui, c'était un concert de louanges. Là, je cite le Times of Israel. Bon, la presse israélienne, hein, c'est pas une source douteuse. Un éminent rabbin, sioniste et religieux, israélien, connu pour ses positions extrémistes, dit-il, hein, la presse israélienne considère que c'est un petit peu trop dur quand même, a suggéré mercredi que l'incendie qui a ravagé l'emblématique cathédrale Notre-Dame de Paris au début de la semaine pourrait être le châtiment divin venu punir l'autodafé du Talmud, au cours duquel des charrettes entières de textes juifs avaient été brûlées par les prêtres catholiques français il y a 8 siècles. Il a tenu ses propos sur le site sioniste religieux Srugim dans le cadre d'une interview. Après avoir initialement rejeté l'idée que l'incendie de Notre-Dame était une sanction divine, nous ne connaissons pas les secrets de Dieu, dit-il, Shlomo Aviner, d'origine française, a finalement déclaré qu'il était possible de le dire. Finalement, c'est possible. Le christianisme, a-t-il expliqué, est notre ennemi numéro un à travers l'histoire. On a tenté de nous convertir, que ce soit par la parole ou par la force. Nous avons été les victimes de l'inquisition menée contre nous. On a brûlé des Talmuds, il y a eu des expulsions, des pogroms. L'antisémitisme occidental est lié à la haine des assassins de Dieu. Tout cela a aussi un rôle dans la Shoah. Il a suggéré que l'incendie de Notre-Dame pouvait être le châtiment de Dieu sanctionnant l'autodafé des Talmuds qui avait eu lieu aux abords de la cathédrale en 1242, à la suite de ce que les historiens ont appelé le procès du Talmud. Alors, voilà, mais ce n'est pas que ces gens-là. Il y a aussi des manifestations plus récentes, enfin toujours dans la foulée. Hein. Voici ce que je peux vous lire aussi. C'est Israël Charloff qui, sur Twitter et en anglais, dit ceci. « Peut-être que l'incendie de Notre-Dame est un petit éclat de karma pour l'autodafé du Talmud perpétré par les catholiques à Paris en 1242. » Voilà, c'est un juif comme ça, Israël Charloff. Ouais. Imaginons, là on parle de l'incendie d'une cathédrale pour ce qui est un Talmud a été brûlé il y a 800 ans. Siècles. Voilà. Ouais. Imagine un petit peu ce que les juifs attendent comme vengeance de la persécution des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Je n'ose même pas imaginer ce que eux imaginent comme vengeance sur les goyres. Ça doit être énorme. Par exemple, les envahisseurs de Maine, par exemple. Voilà, c'est ça. C'est la dystopie dans laquelle on est, quoi. Mais c'est c'est très intéressant, très important ce que tu viens de dire. C'est bon à savoir. Attends. Ce truc. Oui, vas-y. C'est très important au niveau de la psychologie profonde de ces populations, parce que encore une fois, les gens, les Occidentaux, les Européens, les Français de souche bien évidemment, pensent et prêtent aux Juifs et aux musulmans, notamment aux Arabes, une mentalité identique à la leur. Ils pensent que ces gens-là pensent comme eux. qu'ils ont les mêmes ressorts psychologiques, qu'ils ont la même façon de réagir face à un même problème. Là, vous avez la démonstration que non. Les mémoires raciales distinctes existent. Et comme le dit très bien MacDav, les juifs voient la cathédrale en flammes, vous en avez des religieux qui disent « c'est la main de Yahvé », c'est pour venger l'incendie du Talmud, qui a eu lieu il y a 8 siècles. Hein. 8 siècles quand même. Bon. Vous avez des juifs qui ne sont pas des juifs religieux affichés qui disent bah, c'est quand même là un bon retour de bâton pour le Talmud. Voilà. Et il y a toute une série, il y en a d'autres hein, sur Twitter, vous avez déjà même des communistes juifs qui réagissent dans les mêmes termes. Et vous verrez un peu plus tard dans la discussion qu'il y a des juifs qui sont des matérialistes de gauche, qui ont un petit peu quand même pris plaisir en voyant tout ça se dérouler comme ça. Bon. Et puis vous avez les musulmans. Alors les musulmans, eux, alors bon, c'est pas il y a 8 siècles, c'est le compte, c'est l'histoire Twitter dont on a parlé, mais eux, ils voient la main d'Allah. Mais c'est très bizarre, enfin, c'est pas si bizarre que ça, mais dans les deux cas, c'est la main divine, hein, ce qu'ils appellent la main divine, mais qui en fait n'est juste que le fait d'assouvir sa vengeance personnelle. Hein. À travers les siècles et les vieux comptes qu'on a envie de régler. Alors maintenant, voilà, vous avez des gens comme ça qui sont autour de vous, qui vous disent tout le bien qu'ils pensent de vous. Qu'est-ce qui va se passer quand ils seront encore plus nombreux et qu'ils auront l'opportunité de vous faire une crasse, d'après vous, à vous ou à vos enfants? Voilà, donc on va laisser les gens méditer là-dessus un petit peu. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on passe au point suivant. Oui, c'est important là, ce dont tu as parlé sur la mémoire. Oui. Bon, les juifs, en l'occurrence. Bon, ils en parlent tout le temps d'ailleurs, la mémoire. Les musulmans aussi, mais dans une moindre mesure quand même. Hein, les Algériens, bon, eux, ils sont restés bloqués, garde d'Algérie. Hein, c'est toujours ça, oui. Ça n'a pas bougé. Mais les juifs, bon, ouais, c'est du 8 siècles après, on te dit, mais bien fait pour ta gueule, hein, il y a 800 ans, il fallait pas me faire ça. L'européen, le français ne comprend pas. Alors, déjà, bon, si. Je sais pas, mais je crois qu'il y a des gens. Enfin, il doit bien avoir une bonne moitié de la population française, si tu veux, qui voit le truc comme déjà ne serait-ce que Charles de Gaulle comme quelque chose de lointain qui date d'il y a plusieurs siècles comme c'est ça oui comme Saint-Louis tu vois c'est vraiment ils vivent dans la 5e République c'est quelque chose qui est éternel pour eux. Le reste c'était la préhistoire avec les dinosaures et compagnie qui avait Charles de Gaulle et les dinosaures c'était contemporain tu vois ils ont aucun sens de l'histoire ils sont dans une espèce d'instantané hein. Bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure sur les gens qui sont un petit peu négrifiés, ça participe de cela. Il serait temps de, même parmi les gens un petit peu éveillés intellectuellement, de prendre en compte ces faits-là, hein, de ne pas dire oui, non, mais après tout, les juifs sont comme tout le monde. Il y en a des biens, des juifs de droite, regardez, hein, ce J. William Goldnadel, comme il est très sympathique. Oui, bah, celle-là, c'est les juifs de droite, les juifs religieux, les juifs communistes, et tous. Bon, à part quelques-uns, là, les Goldnadel, effectivement, ne vont pas se mettre à hurler de joie, hein, parce qu'ils sont quand même là pour tenir leur place. Mais le reste ne se gêne pas, quoi. Au fait, tu as parlé de la réaction des premiers et des derniers des bougnoules, des premiers et des derniers des juifs. Mais on sait ce que pensent les derniers des chrétiens, plus ou moins. Mais quelqu'un a-t-il entendu une... Honnêtement, je ne l'ai pas entendu personnellement, hein, mais j'ai dû la rater. Quelqu'un a-t-il entendu la réaction du premier des chrétiens? Bergoglio. Bergoglio envoyé. Je crois qu'il a dit qu'il fallait sauver le climat, voilà. Ouais, non, c'est bien ce qui me semblait. C'est intéressant ce que tu dis, Fulbert, parce que j'ai l'impression qu'il est aux abonnés absents en fait. Alors, moi, j'ai rien vu. Non, il a fait un communiqué en disant, mais très formel, oui, en disant que voilà, c'était triste, il était en pensée, tout ça, voilà. Mais effectivement, voilà, ça ne l'a pas. Il est beaucoup plus prompt, si vous voulez, à se précipiter au pied de quelques nègres pour s'exhiber, oui. Par exemple. Quoi. Ça, ça le, oui, ça beaucoup plus. Par exemple, il aurait pu dans un geste un peu spectaculaire, dire qu'il arrivait à Paris, par exemple. Ça aurait été un geste très fort. Imagine-toi s'il y avait eu un employé nègre musulman qui aurait été blessé ou mort dans l'incendie. Enfin, on en aurait fait un saint. Hein. Ça aurait été un saint. Tout de suite, il serait venu à Paris dans la soirée. Mais peut-être que pour lui, en fait, c'est un châtiment divin parce que l'Église catholique n'a pas recueilli assez de nègres. Peut-être qu'il voit la chose comme ça, en fait. Oui, je pense pas qu'il c'est soit pas faux. Clair, hein. Oui, Sincèrement, je n'y crois pas. Hein. Ce type-là est. Enfin, c'est un bolchevique, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Alors. Un juif s'est particulièrement distingué parce que. Là, c'est la deuxième phase, en fait. Hein. Donc, en fait, il y a les réactions par rapport au fait en eux-mêmes. Puis ensuite, il y a eu quand même l'élan. Émotionnel qui a traversé la population autochtone et au-delà. Enfin, je veux dire, il y a ceux qui savent apprécier l'architecture, le patrimoine, etc., qui peuvent être à l'étranger, ça peut être des Américains, des Russes ou autres. Bon, qui sont chrétiens aussi, je parle pour les Blancs, donc qui peuvent être se sentir impliqués, disons, mais même, je veux dire, peut-être en Asie, etc., des gens ont manifesté leur sympathie ou des gouvernements. Mais des gens en France, eux, n'ont pas du tout été satisfaits de cet élan. Ça leur a posé problème. Hein. Donc, c'est très étonnant, hein. Vous avez des Français, vous allez découvrir que c'est un peu plus compliqué que ça, mais ils n'étaient pas du tout contents. Ils ont dit, mais non, c'est pas... comment ça se fait qu'une telle mobilisation, etc. Alors, on parlait de mémoire raciale. Alors, il y a quand même une forme de mémoire raciale, c'est-à-dire que les Français de souche sont quand même touchés parce qu'ils considèrent que c'est leur patrimoine, c'est le legs de leurs ancêtres. Donc, ça existe. Ils ne comprennent pas le fonctionnement de la mémoire raciale des sémites, musulmans ou juifs. On en a parlé. Et donc peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait compris pourquoi certaines personnes ont essayé de s'évertuer à saloper cet élan. Dont Pierre Aski, hein, qui est un journaliste juif de gauche, bien connu, et qui a, sur France Inter, fait une chronique. Donc France Inter, j'ai pas besoin de vous dire... qui contrôle France Inter. Juif Inter. Voilà, c'est pas les Français, en tout cas. Voilà, radio communautaire, bon, public, hein, bien sûr. Et alors, il a le droit à sa section, mais dans les jours qui suivent, hein, l'incendie, et elle s'intitule comme suit, « Des millions pour Notre-Dame, le privilège de l'homme blanc ?» Point d'interrogation. Alors là, accrochez-vous, hein. L'attention planétaire reçue par le drame de Notre-Dame et les sommes considérables recueillies pour sa reconstruction font grincer des dents dans les pays du Sud, qui y voient un signe de domination de plus en plus mal vécu. Alors, donc les Français trouvent de l'argent, ils dominent les populations du Sud. Bon, c'est un peu compliqué. Je vois pas exactement. Au niveau géographique, c'est confus, je vous avoue. Un journaliste sud-africain a fait hier la comparaison. Plusieurs centaines de millions d'euros pour Notre-Dame réunis en quelques heures, mais en 6 mois, le Musée national du Brésil, qui a brûlé dans des circonstances similaires l'an dernier, n'a trouvé que 15 millions. Et le Sud-Africain de commenter, j'imagine que c'est ce qu'on appelle le privilège blanc. Ah, bah oui, non mais c'est le privilège de la beauté. C'est-à-dire que y a un jour, tu seras blanc, tu voudras nourrir ta famille, on va dire, oui mais les Africains. Pourquoi tu nourris pas les Africains plutôt? C'est ça, bien sûr. Ah bah ça... Ah mais voilà, c'en est à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire, le monument phare de France brûle, les Français sont des enculés s'ils veulent le réparer. Bon, ok, voilà. Tout à fait. Non mais c'est normal, je veux dire, la beauté est un privilège. Donc c'est tout à fait normal que les gens qui n'y ont pas accès soient quelque part jaloux. Quand alors, tu es juif et que tu es... Regarde la gueule de Pierre Aski. Ah il n'a oui, pas une gueule de cathédrale. Il n'a pas une gueule de cathédrale. Oh, c'est un mauvais genou après l'incendie. Mais bon, on va encore nous prêter des intentions. Mais comment dire, on parle beaucoup de flammes, hein, durant cette émission. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Beaucoup de comment vie. Dire oui, bah oui. Comment dirais-je, on parlait de comburant, je ne sais pas. Alors, comment dire Il parle de ce musée du Brésil, mais précisons quand même que les fonds récoltés en France pour Notre-Dame sont, pour l'essentiel, des fonds français à ce stade. pour l'essentiel, ce sont des fonds français. Il y a des fonds étrangers, mais pour l'essentiel, ce sont des fonds français. Ce sont pour l'essentiel des fonds privés. Défiscalisés. Hein. Oui, c'est ça. Donc, ils seront en partie pris de toute façon, à la charge par contribuable. Ouais. Mais enfin, de toute façon, l'argent est pour l'essentiel d'origine française. C'est ça que je veux dire. Visiblement, au Brésil, ils en ont strictement rien à foutre de leur propre patrimoine. C'est ça que je comprends. Je veux dire, il est là, il nous dit oui, ils n'ont pas récolté de fonds, etc. Bah, je sais pas, oui, c'est le premier concerné. Non, il y a d'autres brésiliens. C'est quoi le patrimoine brésilien? Ouais, ce que je veux dire, c'est les tribus locales, c'est ça, les arts, l'art naïf. Non, mais je veux dire, il est là, il est en train de geindre. Mais excusez-moi, je veux dire, le Brésil, ils ont un État, un gouvernement. Je sais pas, ils ont un fisc, ils sont pas capables de trouver d'argent parce qu'ils ils veulent pas y consacrer des fonds. Et ensuite, l'Amérique latine, bah, il parle d'Amérique latine, bah, visiblement, l'Amérique du Sud, on n'a rien à foutre. Donc, c'est quand même fascinant. Ils viennent vers vous, donc ASCII citant ce nègre, pour essayer de nous faire culpabiliser, alors que les Français retrouvent un élan commun pour essayer de enfin, je veux dire, pour un élan commun autour de leur tradition, de leur permanence aussi, d'une certaine façon, permanence culturelle. Et là, il vient essayer de vous cracher dessus en disant « Mais quand même, vous sentez pas coupable un petit peu de vous affirmer pour ce que vous êtes ?» Et là, il cite un exemple où là, il te montre des gens qui sont incapables de s'affirmer pour ce qu'ils sont. Enfin, c'est... Non, mais fait, voilà. je pense même pas que ce soit pour affirmer ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'au Brésil, si tu es dans des pays d'Amérique latine, à part les pays... où tu as Morales et compagnie, mais ça reste quand même des sociétés à peu près blanches, à peu près. Hein. Donc les gens qui font des musées, ce sont des blancs. Ça, les nègres ne font pas de musées. Non, ils ne font pas de musées, non. Ça n'a pas de sens. Les types dans la jungle en Amazonie, ils ne font pas de musées non plus. Donc c'est un truc de blanc. Alors les juifs font des musées, mais en piquant les œuvres des blancs. Oui, ou alors ils font des musées de l'Holocauste. Ils font des temples. Ah, et quand on cherche, en fait, quand on cherche à réparer le vol en se réappropriant les œuvres de l'Europe, ils viennent vous persécuter en disant que vous les avez volées. Oui. Vous volez le voleur. Voilà. Et vous y êtes 70 ans encore après en disant mais comment les œuvres acquises, dans quelles conditions? C'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, oui, après, bon, le truc des les machins africains, bon, je suis pour qu'on leur rende leur merde. Hein. Non, mais ça, c'est pas ce type d'œuvre-là que les juifs collectionnent. Hein. Ah oui, bon, hop, oui. Les juifs, c'est du tableau de maître flamand, voilà, c'est ça qu'ils collectionnent, les juifs. Hein. Voilà, avec l'argent qu'ils t'ont piqué. Ouais, non, mais en l'occurrence, juste pour continuer la digression sur le musée au Brésil, c'était sûrement quelque chose avec de l'art entre guillemets, des espèces de masques. Pas exclusivement, toute une série de choses. Il y avait aussi, ça datait aussi de la période coloniale, il y avait toute une série de choses qui appartenaient aux Portugais. Bon, voilà. Bon, effectivement, s'ils en ont rien à foutre, eh bien, écoute, c'est pas. Oui, tant pis pour eux, quoi. Alors, Pierre Aski continue. Ainsi, si l'Occident a perdu son monopole des affaires du monde, il reste dominant dans l'inconscient collectif planétaire, une hiérarchie des sentiments qui est vécue dans le monde non occidental comme un reliquat de colonialisme dépassé, comme le montre la réaction du journaliste sud-africain. Ça se traduit en émotions collectives immédiates, en identification simple et rapide avec des monuments qui sont imprimés dans tous les esprits, qu'on les ait visités ou pas, et en avantages sonnants et trébuchants quand c'est nécessaire. C'est cette différence de traitement qui est ressentie de plus en plus difficilement. Certains y verront la montée du politiquement correct, d'autres la fin d'un privilège historiquement daté. En attendant, rien n'arrêtera l'émotion suscitée par... Non mais c'est la stricte réalité, hein. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mais il y a deux choses. Il y a la description du phénomène planétaire et ensuite il y a l'explication du phénomène planétaire. Et là, il n'a pas la même explication que tu auras certainement. Oui, non, mais je veux dire, l'Occident a fourni de la beauté et continue, enfin, a fourni pendant des siècles à la beauté qui a illuminé le monde. Et c'est pour ça que les gens sont mondialement émus de voir une beauté détruite. Et c'est pour ça que ça choque le juif, parce que le juif est hideux. Le juif est hideux, et quand on lui rappelle que oui, l'Occident, qu'il l'a fortement dévalorisé pendant des années, bah non, l'Occident, c'est beau. Et toi, sale juif, tu es hideux. Et tu es, tu resteras hideux, quoi qu'il arrive. Alors que cette cathédrale représente la beauté depuis des siècles. Et toute ta propagande n'y fera rien. C'est la réalité. Alors c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'en fait, c'est de la jalousie cachée sous une épaisse couche de mensonges accusateurs. Hein. Et parce que les Juifs n'ont aucune, évidemment, c'est pas leur temple, même leur temple, c'est pas eux qui l'ont construit. Donc les Juifs n'ont rien à proposer. Ils sont toujours en train d'essayer de s'accaparer, et quand ils voient que les Blancs possèdent quelque chose en propre, comme c'est le cas avec cette cathédrale, et les Français de souche, les Français en l'occurrence, ça les empêche de dormir. Ça les empêche de dormir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en tant que Blanc, sur cette terre, avoir quelque chose en propre. Vous ne pouvez pas avoir un imaginaire en propre. Il faut qu'on vienne vous le souiller avec des nègres dans, comment dirais-je, des films historiques. Vous ne pouvez pas avoir de patrimoine non plus. C'est pas à vous. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'il soit magnifié alors que vous ne faites rien pour. Hein. Les gens aiment ça. Mais non, ça va pas encore. Et ça se passe en France. Ce Pierre Aski est en France. D'accord ? Il est en France. Donc ça démontre quoi ? Bah, que ce mec n'est pas assimilé. Que ce juif n'est pas assimilé. Il tire la gueule. Il n'est pas content. Alors regardez les Français, c'est ça le Français raciste. Là. Allez voilà, je vais faire un truc là bien violent pour dire qu'ils devraient avoir honte de se mobiliser pour leur propre patrimoine. Voilà. Et là, ils crachent dans la soupe grâce aux médias qu'ils contrôlent, qui sont accessoirement des médias payés par le contribuable français puisque c'est France Inter. Voilà. Oui, il est toujours à rue 89 Il est partout. Toujours partout, non, tout, il rue est 89, ouais. France Inter. Non, rue 89, ça n'existe plus. Ça a été absorbé par le Nouvel Obs. Mais Aski, il est à France Inter. Ouais, enfin, c'est un fonctionnaire d'État, en fait. Oui. Et voilà. Français. Très, très français. Il va falloir surveiller à tout prix la reconstruction, parce que c'est évident que les Juifs vont vouloir tout ça. Ah bah. Et je... En écoutant Pierre Aski, hein, je repense à cette phrase de Céline, mais à la fois prophétique et synthétique, l'Arien c'est le constructeur, le Juif c'est le destructeur. Tout est synthétisé en cette phrase. Alors parfois le Juif sollicite l'aide du nègre pour détruire. Parce que le nègre aussi, c'est un peu sa partie. Et vous avez probablement noté cette réaction de Lilian Thuram, grande conscience française, s'il en est, pratiquement maintenant l'équivalent d'Ixit la presse de Martin Luther King. Hein, voilà. Il est entre Martin Luther King et Malcolm X. Il essaye de ressembler à Malcolm X, mais avec les propos de Martin Luther King. Voilà. Et alors, le journal L'Équipe lui a ouvert ses colonnes où il a réagi très vivement. Et dans des termes étonnamment assez proches. Donc lors d'un point presse organisé à l'issue de rencontres avec des collégiens et lycéens à Sarthe, à Propriano et Ajaccio en Corse, mardi, mercredi et jeudi, pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes, Lilian Thuram s'est dit interpellé par la vague immense de solidarité suscitée par l'incendie Notre-Dame de Paris. Nous sommes des êtres d'émotion, c'est normal que nous soyons touchés, a expliqué le champion du monde de 98. Moi je suis parisien, donc c'est normal qu'effectivement, devant une catastrophe comme ça, vous soyez touchés, émus. Mais on a l'impression que parfois il y a des hiérarchies qui s'installent dans l'émotion. Il y a des gens qui meurent en voulant traverser la Méditerranée, et en fait le monde n'est pas ému comme ça. Il y a des gens qui veulent faire des murs pour qu'il y ait des personnes qui ne viennent pas, mais en fait ils sont capables d'envoyer des tweets pour dire... Est-ce que vous avez besoin d'aide pour éteindre le feu comme l'a fait Donald Trump ? C'est bizarre, a souligné l'ancien défenseur de la Juve, aujourd'hui très actif dans la lutte contre le racisme via sa fondation qui porte son nom. Aux élèves qu'il a rencontrés dans les différents établissements corse, il a d'abord demandé qu'ils lui racontent des blagues racistes dans le but de pouvoir les analyser ensemble. J'ai été étonné que la plupart des blagues racontées soient des blagues sur les Arabes, a-t-il indiqué. Je trouve qu'il y a un mépris énorme. Je ne connais pas l'histoire corse, mais je pense qu'il faut questionner l'histoire corse pour comprendre, a-t-il ajouté, estimant qu'en général, les gens n'ont pas conscience de la profondeur historique du racisme. On ne se rend pas compte comment, à travers les blagues, on banalise le racisme, on l'entretient comme si c'était quelque chose de normal, a-t-il estimé, appelant à ce que les élèves s'interrogent, se questionnent, notamment sur les injustices et les hiérarchies construites entre les sexes, les couleurs de peau et les religions. Il a également livré sa recette du succès. Si vous voulez réussir, ce qui fait la différence très souvent, c'est la capacité à se concentrer. Voilà. Donc, voilà... Gandhi, vous a donné son sentiment. Alors, bah, finalement, c'est un peu la même chose. Il dit, bah, pourquoi les Français s'occupent de Notre-Dame de Paris alors qu'ils n'ont pas de sympathie pour les nègres qui veulent les envahir, hein, ils refusent de les aider à les envahir. Bah, encore une fois, tout est question de hiérarchie. Oui, visiblement. Le nègre est face à la hiérarchie, en fait. La hiérarchie de l'empathie. Et oui, bah, je suis désolé, moi c'est également mon cas. J'ai eu une émotion lorsque j'ai vu la flèche se briser. J'ai eu une forte émotion. Et par contre, je n'ai pas d'émotion. Je ne ressens pas d'empathie lorsque j'entends dans les médias que quotidiennement des nègres se noient. Il y a une hiérarchie de l'empathie. Et effectivement, tu auras ma raison. Et c'est parfaitement normal. Encore une fois, on a de l'empathie pour ce qui nous est propre et pour ce qui est beau. Voilà. Et toi, Turam, tu es les. Alors moi, c'est comme MacDav, mais c'est vrai que moi, j'ai quand même une émotion quand les nègres se noient. Hein. Je tiens à vous signaler qu'il y a peu, il y a un député de Martinique qui a dit que ses frères et sœurs sont maltraités. Oui. Donc apparemment, oui. Lui, la hiérarchie, c'est l'affaire aussi. Hein. Et comme c'est bizarre, il met les siens avant les nôtres. Hein. Bah, c'est normal. Je comprends pas bien. Je croyais que les races n'existaient pas et qu'on était tous pareils et qu'on venait tous d'Afrique. J'ai complètement Alors oui, un truc, moi. Nous venons tous d'Afrique. Ils n'ont pas reçu le nom, en fait. D'ailleurs, bon, j'ai un petit truc là. Certains auditeurs le savent peut-être déjà. J'ai appris ça il y a quelques minutes tout à l'heure. Turam est un adepte de la religion des pyramides volantes. Hein. C'est un kémite. Ah oui, oui, oui. Alors, il y croit à dire comme faire. Alors, le fils de Lilian Turam, si tu veux, s'appelle Khéphren, comme le pharaon Khéphren de la pyramide de Khéphren. On va très loin. On sent le. Ouais, donc, on sent l'intellectuel. Du Cheikh Anta Diop. Voilà. Ouais, du Cheikh Anta Diop à tous les étages. La sapience kémite. Il a les lunettes. Hein. Voilà, c'est ça. Non, mais en tout cas, il a dit une chose de très intelligent. C'est que il a dit attention, oui, d'accord, il y a du racisme, blablabla. Mais le plus important. Petit nègre, écoutez-moi, c'est la capacité de concentration. C'est-à-dire que même lui, tu vois, avoue en fait ce qui fait défaut aux nègres, c'est pas le racisme ou quoi que ce soit, la discrimination, blablabla. Non, c'est la capacité de concentration. Ah oui, ils arrivent tellement. Enfin bon, c'est quelque chose qui est total. Non, mais je veux dire, il y a un truc. Ouais. Il y a un truc qui est drôle, c'est il va en Corse et il s'étonne du racisme anti-arabe. Mais il dit c'est bizarre, je comprends pas. Moi je comprends, hein, mais voilà quelqu'un qui fait le tour de France. Ça fait des mois, hein. Il est reçu partout par la LICRA, etc. Où il explique en fait aux Blancs que ce sont des salauds parce qu'ils refusent de se faire submerger ou pourraient tenter de refuser de se faire submerger. Bon, on sait qu'en fait lui-même est comme tu l'as dit, quoi, un adepte du suprémacisme nègre le plus délirant. Il est promu par la presse, il est reçu par le CRIF. Bon, et c'est des gens comme ça qui viennent vous dire, salaud de blanc, vous avez un petit peu d'émotion pour votre propre passé, votre propre identité collective, les réalisations de vos ancêtres. Je trouve que ces nègres, excités par les juifs, deviennent de plus en plus arrogants. Il va quand même falloir qu'on songe à les remettre à leur place. Hein. Je crois que ça a eu. Je pense que pour l'instant, ça va pas être demain qu'on va les remettre à leur place au foot. Hein, parce que visiblement, Thuram a deux mots, mais tous ces mômes sont footballeurs professionnels. Donc, moi je suis d'accord pour les remettre à leur place, mais il va falloir qu'on sorte les doigts du cul. Et d'ailleurs, il y en a un qui joue à Gengar. Il y en a un qui joue à Gengar. Ah tiens, ça fera peut-être faire le point pour conclure l'émission. Alors, en avant Guingamp, en avant les nègres. Voilà, par exemple. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose sur tout ça là, tout... Oui, oui, oui, ben on parle de nègres. En avant les juifs, direction Auschwitz. Non, non, pas mais c'est on termine sur les nègres et on parlait de Notre-Dame et de restauration. Mais alors, ça serait très bien de restaurer Notre-Dame, mais si c'est pour disparaître derrière et la laisser dans un état impeccable à toutes ces nations, ces nègres ou des mahométans, voilà, je vois pas bien l'intérêt. Donc bon, à réfléchir en parallèle. Oui, peut-être qu'on pourra, on peut peut-être brièvement discuter de ça. C'est vrai que, bah, fondamentalement, par définition, c'est d'abord un monument religieux. C'est-à-dire que c'est un produit, c'est une production artistique, inévitablement une production de l'intelligence, c'est aussi, par définition, un lieu religieux et catholique. Je pense qu'on a régulièrement parlé aujourd'hui de l'état du catholicisme et notamment de la papauté, pas besoin d'y revenir. Donc moi je m'interroge un peu, c'est-à-dire que ça a très certainement été un des fleurons de la chrétienté médiévale d'Occident. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Ça me paraît d'abord et avant tout être un lieu touristique. Il y a un petit peu un phénomène de Disneylandisation de Paris, qui est recherché d'ailleurs par Hidalgo, qui, rappelez-vous, veut faire de la ville l'une des principales destinations touristiques pour PD. Oui, c'est ça. L'impératif de reconstruction au bout de 5 ans n'obéit en fait uniquement qu'au calendrier des festivités. Il faut que ce soit reconstruit pour les JO de Paris, quoi. C'est ça, visiblement, oui. Donc, en fait, là, je crois que ça nous dit quelque chose sur ce qui s'est passé entre-temps. C'est-à-dire que il y a eu un effort de construction qui est à la fois un effort artistique, comme je l'ai dit, et spirituel. Et aujourd'hui, visiblement, on a basculé dans autre chose. C'est-à-dire qu'on va nous dire qu'il y a un impératif de temps, il y a visiblement un impératif à caractère touristique, commercial, de communication, qui, à mon avis, dit tout sur ce qu'est aujourd'hui devenu la France, quoi, et qui n'a plus rien à voir, en fait, avec l'élan premier qui a été à l'origine de cette cathédrale. Donc, non seulement dans la forme, ça risque d'être laid, en gros, il risque de la saloper, quoi. Macron voulant, à mon avis, par mégalomanie, laisser une marque visible dans le paysage parisien, et donc avec Notre-Dame mondiale. Ce qu'on appelle communément une boursouflure. Une boursouflure pédérastique, dirais-je volontiers. Il y a un petit côté pédé prétentieux tout à fait caractéristique. Je veux dire, vu ce qu'il a fait de l'Elysée, espèce de bois de guerre, des nègres. Bon, déjà ça, on voyait bien le côté, voilà, il faut que j'étale, il faut que je montre, il faut que je provoque. Je n'imagine pas Macron résister à l'envie de provoquer. Cette petite fiotte doit être rongée. Voilà. Et là, je n'ose pas imaginer toutes les suggestions qui doivent arriver de tous les cabinets d'architectes remplis de fiottes juives. Ça doit être pandémonium, déjà. Donc, à la fois dans la forme et dans le fond, ça n'a rien à voir. Donc, l'élan premier des Français est sincère. Ils aimeraient très certainement voir autre chose, mais ce qui leur sert d'élite veulent autre chose. Et je pense que les élites, comme toujours, en définitive, imposeront leur volonté. À mon avis. Mais c'est certain. Et on ne va pas compter, parce que c'est vrai au final. Posons-nous la question, c'est très curieux ça. Là, je vous demande même votre avis, quoi. Finalement, est-ce que l'Église catholique, bien que ce soit un bien public, c'est le bien de l'État, est-ce que l'Église catholique, et notamment, l'archevêque de Paris, je pense que c'est un archevêque, ne serait pas fondé à donner son avis, quoi, à dire c'est quand même un lieu catholique de culte, quoi. Hein. Je veux dire, on n'imagine pas, par exemple, une synagogue la synagogue de la Victoire détruite par les flammes. On n'imagine pas le président de la République dictant ses souhaits en termes d'architecture sans solliciter l'avis du grand rabbin de France. Hein? Alors moi j'imagine plus l'inverse. Voilà. J'imagine que ce qui va se passer, c'est que Notre-Dame devienne officiellement une forme de lieu de culte des différentes religions. Tout ça sous l'égide ou sous la protection du grand rabbinat de Paris. Bah, j'imagine la chose comme ça. J'imaginerais ça aussi assez bien. En tout cas, je veux dire, bon, rassurez-vous, je ne crois pas qu'on va entendre un seul évêque ouvrir sa gueule, encore moins Bergoglio. Macron va faire ce qu'il veut. Bon, ça me paraît, Macron et ceux qui l'entourent. Bah, moi, j'imagine la chose de cette façon. Encore une fois, je répète, la seconde flèche, elle a été reconstruite à une époque, le 19e siècle était extrêmement catholique. Hein. C'est une époque où il y a une résurgence du catholicisme. On n'a jamais formé autant de prêtres, et c'est l'époque du Sacré-Cœur, en fait, pour dire les choses simplement. Moi, ce que j'imagine, c'est qu'ils le reconstruisent une flèche, enfin un édifice qui soit la symbolique du multiculturalisme et du dialogue entre les religions. Je vois très bien la chose arriver de cette façon, et c'est évident même qu'ils vont arriver tout un tas de projets où on te présente une flèche qui représente voilà, la paix avec les musulmans, avec les juifs, où il y aura une sorte de bouse totalement neutre, particulièrement dégueulasse, où on te fasse de la religion coexistante, quoi. C'est ce qui va se passer. Bah du maçonnisme démocratique d'influence juive. Et je pense, moi, que la maçonnerie, vu comment elle frétille hein, depuis quelques jours, va vouloir mettre des triangles un peu partout sur cette nouvelle flèche. Hein. Je veux dire, ça sera pas du gothique. Hein. Ouais, je le crains. Il faudrait peut-être vérifier s'il n'y a pas 2-3 symboles juifs sur cette flèche. Ah, il y aura des symboles. D'autant plus que sur les cathédrales françaises, on peut souvent trouver sur les portails, les tympans et tout ça, des symboliques clairement, on va pas dire antisémites, mais qui assayaient en fait la supériorité ou au moins la victoire du catholicisme sur le judaïsme. Oui. Sur nombreux bâtiments religieux. Bah, en fait, et c'était le cas sur Notre-Dame. C'est le cas sur Notre-Dame, tout à fait. Ouais, la truie des Juifs, hein, sur des cathédrales, notamment en Allemagne, dans l'Est de la France. Et c'est un symbole très joyeux. Ah, j'ai vu une magnifique sculpture médiévale qui met en scène le sacrifice d'un enfant chrétien par des rabbins, où on voit un bébé se faire saigner pour réaliser les pains de la Pâque juive. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et je trouvais cette sculpture très réussie, bien évidemment très, très réaliste, car n'écoutez pas ce que racontent évidemment les Juifs, c'est vrai. On a toute une série de cas extrêmement documentés. Il y a eu aussi des on-dit, hein, mais il y a des cas très documentés où des kidnappings d'enfants chrétiens ont eu lieu par des rabbins pour en récupérer le sang pour se livrer à des activités à caractère occulte, kabbalistique et autres. Bon, je vous passe les détails. C'est tout à fait vrai. Et évidemment, ça faisait partie de ce catholicisme-là, la lutte contre ces gens-là. L'Église a changé, Bergoglio l'a fait savoir, donc effectivement... Quelque peu, ouais. Oui, je crois que cette nouvelle flèche, toiture, sera plus inclusive. Ouais, je crois que Paris... Oui. J'espère que la main de Dieu s'abattra sur cette nouvelle structure. Hein. Oui, la main d'y avait... Si on peut donner un pronostic là sur ce qu'on va avoir, je pense qu'il y aura une flèche qui sera noire et qui représentera le clitoris d'une femme africaine. Bonjour. Voilà. La nouvelle Notre-Dame de Paris méritera bien un cadeau. Oui, c'est Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, la fertilité, la France, c'est la transcendance française. Moi, j'imagine assez bien une flèche, je pense, en verre, vous voyez, très, très transparente, je ne sais pas, avec une thématique sur comment dirais-je, la fraternité humaine, un truc comme ça. Je sais pas ce qu'ils vont pondre, mais quelque chose comme ça. Je vois ça, c'est le bien. Fils de la veuve. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui, alors ils sont déjà en train de t'expliquer là qu'on ne pourra pas reconstruire en bois. Oui. Moi, je suis très circonspect quand j'entends ça. Alors, c'est vrai qu'on avait une forêt primaire à une époque qui n'existe plus. Je crois que c'était des chênes qui se trouvaient en Champagne d'ailleurs. Et cette forêt n'existe plus. C'était des chênes qui étaient plusieurs fois centenaires. Je suis pas certain. Je pense qu'on peut retrouver du bois. Mais oui, effectivement, j'imagine la construction dégueulasse, très triangulaire, et avec effectivement du verre. Moi, je vois du verre. Je sais pas pourquoi, mais ouais, je vois du verre. Je sais pas pourquoi. Je me dis, ouais, je espèce de truc moderne, dégueulasse, et puis complètement mégalo, quoi. Forcément, l'architecte va forcément vouloir manifester à quel point il se distingue de l'architecture première, fatalement. Et c'est ce que va lui demander Macron. C'est ce que va lui demander Macron. Et en plus, comme je l'ai dit, il y aura nécessairement négociation financière. Macron prenant une large part au passage. Et ça va être pour les cabinets d'architecture, publicité incroyable. Ça va être une publicité mondiale. Donc, ils vont tous, comment dire, vouloir essayer de se démarquer. Ça va être l'orgie de propositions. Ouais, propositions démoniaques. Bah, c'est-à-dire, ce sera une proposition qui sera sous l'influence du petit peuple qui a encore en mémoire une histoire de livres brûlés il y a 8 siècles, si vous voulez. Voilà. Donc oui. C'est avec ce type-là d'état d'esprit que ces bureaux d'architecture vont aborder Notre-Dame. Oui, et puis il faudra ne pas oublier de remplacer la Sainte Épine par un tibia de choatisé. Hein, ah, c'est la nouvelle religion officielle. Faudra pas oublier d'y penser. Les dents à mort, peut-être. Captain, voulait dire quelque chose? Oui, je pense que nous sommes en mesure d'espérer en France, au vu des événements récents que nous n'avions pas prévus, un espèce de crossover, un hybride entre les gilets jaunes, avec la jovialité et mais également la force de frappe qui les caractérise, et la manif pour tous. Donc voilà, si on se retrouve avec une cathédrale / judéo-mosquée sodomite avec, je ne sais pas moi, un plug anal géant au sommet, eh bien j'espère qu'il y aura plusieurs millions de Français dans les rues pour clamer à quel point ils haïssent la République juive sodo-maçonnique. Ça, c'est une belle conclusion à laquelle je souscris totalement. Voilà, ça donne du voilà, une piste de réflexion pour la suite. Piste de réflexion pour la suite. À la semaine prochaine, les amis. À bientôt. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.